nous vous remercions d'avoir bien voulu participer à notre séminaire Usage et généalogie des concepts. Vous êtes actuellement chercheur au LERAS, laboratoire d'études et de recherche appliquées en sciences sociales et son directeur actuel, professeur à l'Université de Toulouse. Vous avez différents domaines de recherche qui sont la psychologie politique, la psychologie sociale des médias, l'analyse du discours assisté par ordinateur. Et vous avez publié votre dernier livre avec Pierre Ratineau qui s'appelait « Être français aujourd'hui, les mots du grand débat de l'identité nationale en 2012 ». Et vous allez donc nous présenter une communication dont je vais vous laisser dire le titre. J'ai oublié, j'ai fait un bon truc mais j'ai oublié cet élément. Je me rapproche le micro de vous. Mais tout d'abord, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui à Nanterre. C'est un vrai plaisir pour moi de venir ici, d'abord parce que, même si je n'y suis pas venu souvent, j'étais quand même il y a 2 ans pour une thèse en psychologie sociale, mais j'ai eu beaucoup de mes maîtres, notamment quand j'étais en psychologie sociale, qui venaient d'ici. Donc on parlait tout à l'heure de quelqu'un que je ne connais pas personnellement, mais qui m'a beaucoup influencé dans l'écriture de ce livre, qui était Edmond Marc Lipianski. Et puis sinon, j'ai beaucoup fréquenté des gens comme Jean-Pierre de Conchy, par exemple, qui était un psychologue social qui est aujourd'hui à la retraite, mais avec qui j'ai eu des responsabilités, puisqu'on a co-animé une association européenne francophone de psychologie sociale pendant 4 ans. Donc je suis en terrain un petit peu connu, même si je ne connais pas tout. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de définir la laïcité par ses usages médiatiques, c'est-à-dire l'idée que dans une perspective de définition de concept, on peut avoir une perspective d'approche de la langue. Qu'est-ce que c'est qu'un concept pour la langue, d'où il vient, quelle est son étymologie. Et l'étymologie de laïcité pose d'ailleurs beaucoup, beaucoup de problèmes. Nos amis grecs ne comprennent pas que de l'adjectif, enfin que du laos laïkos, on ait pu dériver la laïcité, ce qui veut dire que populaire. Hein. On voit souvent, en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, à propos de Chypre, la trapeza laïca, hein, c'est-à-dire la banque populaire. Et les Français ont repris ce terme de laïque pour en faire leur laïcité, dont la définition n'est pas facile et qui nous pose beaucoup de problèmes d'ailleurs quand on veut publier en anglais, parce qu'on ne sait pas traduire laïcité en anglais. Les propositions qu'on peut avoir ne répondent absolument pas à la spécificité française du terme de laïcité. Et donc on peut aussi aborder cette question-là, qui est une question extrêmement intéressante, c'est d'où vient ce concept et comment l'adapter à cette valeur si particulière qu'est la laïcité à la française. D'ailleurs, les dernières publications, on avait même inventé laïcity avec un Y pour résoudre le problème, tellement on avait de mal à définir ce concept. En dehors de cette définition par la langue, il y a éventuellement la définition par les usages. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qu'on fait de la laïcité? Quand est-ce qu'on l'utilise? Pour faire jouer quel type de rapports sociaux? Et donc, en termes de linguistique jacobsonienne, hein, je ne sais pas si les fonctions du langage de Jacobson sont des choses que vous connaissez bien, mais cette fameuse fonction métalinguistique qui est comment je définis mes concepts peut être aussi élargie à cette idée qu'au-delà de la définition formelle d'un mot, on peut la définir de façon stratégique, c'est-à-dire comment l'utilisation et la définition même d'un mot entrent dans des stratégies qui sont des stratégies socio-cognitives, hein, qui vont faire jouer des rapports d'alliance et d'opposition entre des groupes. Et donc, au-delà de sa définition formelle, il y a sa définition stratégique et sociale. Et c'est un petit peu cet aspect-là qui nous intéresse, au travers notamment de l'usage médiatique de la laïcité. Donc c'est un travail qui est en cours de rédaction pour un ouvrage qui devrait sortir en 2013 ou 2014, qui sera dirigé par Patrick Charaudeau, qui est professeur émérite à Paris 13, et qui vient des sciences du langage, qui est assez proche des sciences d'information et de la communication, et qui a beaucoup travaillé sur le discours médiatique. Et donc cette communication que je vous fais aujourd'hui, je l'ai faite en collaboration avec Emmanuel Marty, qui est maître de conférence en, en sciences de l'information et de la communication à Nice, Sophia Antipolis, et Pierre Ratineau, donc, qui est maître de conférence en sciences de l'éducation à Toulouse-le-Mirail, et qui développe le logiciel Iramutech, qui est un logiciel de lexicométrie que donc, nous utilisons, évidemment, que vous pouvez retrouver donc, sur le site web qui est là, hein, iramutech.org. C'est un logiciel libre, open source, gratuit, et qu'on essaye de présenter un peu comme une synthèse de plusieurs approches en statistique textuelle qui reprend la plupart des grandes méthodes utilisées par des logiciels commerciaux et qui ajoute 2-3 petites choses en plus qui nous sont propres et qu'on verra un petit peu dans le déroulement. C'est pour ça que je voulais un vidéoprojecteur pour vous montrer des images. Donc voilà un petit peu le contexte. Alors, moi, je suis professeur en sciences de l'information et de la communication, mais au départ, je viens de la psychologie sociale expérimentale. Et c'est donc d'abord en psychologie sociale que je me suis intéressé à des faits de discours pour analyser des questions purement socio-cognitives, voire même pour faire de l'expérimentation. Et puis, petit à petit, j'ai évolué vers vraiment l'analyse de discours. Et ce qui commençait à devenir un peu moins tenable en sciences cognitives. Et donc j'ai rallié les sciences de l'information et de la communication pour avoir cette approche un peu plus discursive des discours ambiants et des faits sociaux. Donc, j'ai oublié de demander, je prends combien de temps à peu près, je pourrais m'adapter. Une heure, jusqu'à 3 heures et après on discute. Très bien. Quelques questions théoriques, puisqu'il y a quand même un petit peu de théorie là-dedans, même si quelquefois on apparaît un peu comme des ingénieurs des discours, on se pose quand même quelques questions. Et les questions théoriques qui étaient à la base de ce travail-là, c'était surtout est-ce qu'on peut appliquer à la laïcité la définition que Wilhelm Doise donnait des représentations sociales normatives. Alors, Doise, psychologue social de Genève, a inventé le terme de représentation sociale normative à propos des droits de l'homme. C'est-à-dire que, pour lui, les droits de l'homme avaient une caractéristique particulière par rapport à d'autres représentations sociales, c'est que c'était un concept assez consensuel, c'est-à-dire qu'on pouvait difficilement se dire opposé aux droits de l'homme, et en même temps, ça n'empêchait pas qu'il y ait un minimum de débat à propos des droits de l'homme. Et donc, essayer de reprendre la façon dont Doise définit la représentation sociale normative pour voir si ça s'appliquait aussi à la laïcité, partant d'un principe, et ça c'est un petit peu ce qu'on essaie de démontrer dans ce livre sous la direction de Patrick Charaudeau, qu'il y a une évolution de la laïcité dans l'histoire, dans un traitement médiatique qu'on fait depuis une vingtaine d'années, enfin un corpus qu'on a constitué en 20 ans. Il y a une évolution vers un concept qui n'était pas aussi consensuel que ça et qui le devient. Alors, la première chose, c'est qu'une représentation sociale normative décrit une réalité, ne décrit pas forcément une réalité tangible, elle décrit un ordre civilisé à promouvoir, qui n'est jamais entièrement réalisé. C'est-à-dire que les droits de l'homme sont un objectif, sont un idéal, mais c'est un idéal jamais atteint, et donc qui doit être quelque chose de motivant, et non pas quelque chose d'établi. Alors on peut se demander, la laïcité est-elle du même ordre? C'est-à-dire, est-ce qu'on a affaire aussi à un concept qui ne décrit pas une réalité, comme d'autres représentations sociales, mais qui décrit finalement un idéal ou un objectif? Deuxième chose, des représentations sociales normatives, un décalage qu'on observe, lorsqu'on regarde les comportements des civilisations, entre le fait d'adhérer aux principes généraux, par exemple les droits de l'homme, et puis le fait, quelquefois, de condamner avec plus ou moins de virulence ou plus ou moins de retenue un certain nombre de violations des droits de l'homme. Et on voit qu'on peut se réclamer des droits de l'homme et on peut même se réclamer de la patrie des droits de l'homme et laisser se perpétrer un certain nombre de comportements qui ne relèvent pas de la Déclaration universelle des droits de l'homme, voire même qui sont en contradiction avec certains de ses principes, que ce soit au niveau de la libre circulation des personnes, du droit de quitter ou de s'installer dans un pays, que ce soit au niveau de la politique carcérale, que ce soit enfin, tout un tas de choses. Et au niveau de la laïcité, on se posait la même question, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une adhésion à des principes généraux de la laïcité qui n'interdirait pas un certain nombre de violations de principes qui relèveraient pourtant de la laïcité. Troisième point de rapprochement que j'essayais d'établir, l'idée qu'on ne se préoccupe des droits de l'homme ou de la laïcité qu'à partir du moment où elle est mise en question, où il y a un comportement qui vient violer un de ces principes. Donc dans les droits de l'homme, très souvent, lorsqu'il n'y a pas de problème, on n'en parle pas. On n'en parle pas non plus lorsqu'on refuse de voir les problèmes. Mais c'est dès qu'il y a un comportement qui paraît questionner cette représentation que c'est mis en saillance, médiatiquement notamment, et vous voyez pourquoi les médias vont être un point d'accès particulier pour nous. Donc on va s'y intéresser. La laïcité, c'est la même chose. C'est à partir du moment où un comportement émerge dans le champ social qui éventuellement pose problème au niveau de la laïcité que ça va devenir un enjeu et une cause de discussion. Quatrième point, les jugements, et notamment les jugements, vraiment les évaluations profondes des actes qui contrediraient aux principes fondamentaux soit des droits de l'homme, soit de la laïcité, émergent le plus souvent lorsqu'il s'agit d'un autre groupe que notre propre groupe. Très souvent, on utilise les droits de l'homme pour disqualifier une personne d'un autre groupe, ou un gouvernement d'un autre groupe, ou un peuple d'un autre groupe, très rarement pour disqualifier notre propre groupe. Alors c'est encore plus fort chez nous, Français, prétendument patrie des droits de l'homme, même si dans l'histoire il y a au moins eu deux déclarations, une anglaise et une américaine avant la nôtre, mais au niveau des droits de l'homme, c'est très rare qu'on utilise les droits de l'homme pour qualifier des comportements négatifs de notre propre groupe. Quand ça arrive, c'est pour mettre en question notre propre gouvernement, mais la plupart du temps, il est beaucoup plus facile d'utiliser et de se faire accepter quand on disqualifie un autre groupe, en disant « il ne respecte pas les droits élémentaires de dignité de la personne humaine », beaucoup plus que pour nous, et toute la question notamment de la politique carcérale se pose à ce niveau-là. Ça apparaît presque comme un crime contre notre groupe que de retourner la déclaration des droits de l'homme contre nous, d'autant plus que nous pensons l'avoir produite. Pour la laïcité, c'est la même chose. On va voir comment la laïcité est beaucoup plus utilisée pour disqualifier d'autres groupes, et notamment des groupes minoritaires, mais pas toujours exclusivement, c'est le plus souvent. Pour disqualifier des groupes minoritaires, beaucoup plus que pour qualifier notre propre groupe, et a fortiori pour disqualifier certains de nos propres comportements. Alors bien évidemment, et c'est le cinquième point qui est un peu à part par rapport à la théorie de Willem Doise, la question de ces représentations qui sont très variables d'un individu à l'autre, c'est-à-dire que sans doute, nous-mêmes, l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre, nous n'avons pas les mêmes conceptions de la laïcité, nous n'avons pas les mêmes conceptions des droits de l'homme, nous ne les mobilisons pas dans les mêmes contextes, sans doute même que nous n'y accordons pas les mêmes importances, donc à des niveaux classiquement affectifs, cognitifs ou conatifs, nous ne sommes pas tous équivalents dans nos représentations individuelle des droits de l'homme ou de la laïcité, ce qui n'empêche pas néanmoins une certaine convergence, notamment dès lors qu'on considère les niveaux de groupe, les niveaux de civilisation, les niveaux de culture, donc que ce soit des groupes restreints jusqu'à des macro-sociétés qui vont définir les périmètres de la définition d'un concept aussi général que droits de l'homme ou de laïcité. Ce qui rend donc ces concepts-là, de laïcité ou de droit de l'homme, assez différents d'autres concepts classiquement étudiés dans le champ des représentations sociales, que ce soit donc, par exemple, j'ai pris vraiment au hasard, les OGM, l'euthanasie, le nucléaire ou le mariage pour tous, puisqu'on est en plein dedans, dont on voit que ce sont très souvent des représentations bipolaires, c'est-à-dire qui sont assez facilement assimilables à des pour et des contre, et on voit des manifestations de pour et des manifestations de contre. Donc on a un objet qui est officiellement bipolaire, qui recouvre généralement des clivages sociaux et groupaux assez clairs, ou s'ils ne sont pas clairs au départ, ils le deviennent par la pratique, par l'expression citoyenne, par l'expression politique. Avec des concepts comme la laïcité ou les droits de l'homme, on n'est pas dans les objets bipolaires, c'est-à-dire qu'il est en tout cas aujourd'hui difficile de se situer contre la laïcité, de se situer contre les droits de l'homme. Alors est-ce que le fait qu'il y ait un vaste consensus pour accepter au moins dans ces principes généraux les droits de l'homme ou la laïcité veut dire qu'il n'y a pas de controverse. Ben, on voudrait bien évidemment montrer que non. Bon, ça, la simple expérience du journal télé de 20h nous montre qu'effectivement, ça n'est pas le cas. Mais on va essayer de voir comment, quel est ce travail d'appropriation conceptuelle qui se fait au travers des médias et qui nous amène à penser la laïcité comme un objet unipolaire, de l'extrême gauche à l'extrême droite, ce qui est plutôt nouveau, hein, mais pourtant un objet quand même susceptible d'être investi par de la controverse. Donc il s'agira pour moi de définir la laïcité à la fois par ses contextes, ses usages sociaux et notamment ses usages médiatiques, et puis aussi par ses cotextes, c'est-à-dire l'environnement lexical de la laïcité. Donc l'idée, c'est lorsque j'emploie le mot laïcité, quels sont les mots que j'emploie volontiers avec dans les mêmes unités lexicales. On se posera tout à l'heure la question de définir les unités pertinentes. Mais quels sont les termes que je mobilise en même temps et est-ce que la controverse ne vient pas, non pas de la polarisation pour contre de cette attitude à l'égard de l'objet laïcité, mais de différents environnements lexicaux susceptibles d'être mobilisés pour faire jouer le terme de laïcité dans des rapports d'alliance et d'opposition, de coopération et de compétition, intra- et intergroupe. Voilà en gros comment je définirais l'objectif général de notre travail. Et donc, voilà comment on a un petit peu défini opérationnellement cette affaire. Donc, sur la base plutôt deux données de presse, qui sont Factiva d'abord et puis Europresse ensuite pour compléter, on a extrait tous les articles qui pouvaient comprendre le mot laïcité. Alors là, volontairement écrit les sites pour pouvoir absorber aussi des problèmes d'accentuation, des problèmes de majuscules, des choses comme ça. Donc avec la graphie LAICITE, on peut ramener tous les termes qui renvoient à la laïcité. Et donc, on a extrait en tout, vous voyez, plus de 33 000 articles sur une période liée en gros de 95 à 2009. Donc on a pris tous ces articles-là et on a commencé à estimer qu'il y avait là-dedans de quoi faire cette analyse par contexte et par cotexte du terme laïcité. Alors, bien évidemment, ce corpus est assez monstrueux en tant que tel, hein, 33 000 articles de presse, c'est très très important. Alors on a cherché à le restreindre d'une part dans ses sources et d'autre part dans sa chronologie. Alors dans ses sources, c'est-à-dire qu'il y a, vous voyez ici, un certain nombre de titres de presse depuis les agences, l'agence France Presse ou Reuters, et puis jusqu'à de la presse quotidienne, Le Figaro, Le Monde, La Croix, etc., de la presse magazine, enfin la presse hebdomadaire, Libération, Le Point, il va y avoir l'Express aussi, et puis même de la presse internet, là-dessus il y a lemonde.fr, et c'est à peu près tout. Dans un autre corpus, on a même BFM sur le web et RTL sur le web. Donc on a un certain nombre d'articles de presse, et on va d'abord essayer de voir là-dedans s'il y a des moments possibles, c'est-à-dire si on peut dégager une chronologie de la laïcité depuis 1995. Donc pour ça, le meilleur moyen, c'est de se concentrer sur les dépêches AFP. L'idée, alors, je vais essayer de ne pas être très long sur l'AFP, mais c'est quand même la base alimentaire de la plupart de la presse française, c'est les dépêches AFP. Certains dénoncent même ça, il y a des livres qui ont été écrits comme les petits soldats du journalisme, en disant le travail de journaliste, c'est de plus en plus d'éplucher les dépêches AFP, de rester dans son bureau. Et d'écrire là-dessus, notamment dans la presse gratuite, mais même pas exclusivement. Et donc l'AFP est un véritable indicateur de ce qui, à un moment donné, fait l'actualité. Et donc on avait près de 6000 dépêches, donc, qui correspondent à près de 2 800 000 mots, pour un dictionnaire de 51 578 mots différents. Donc on a une masse assez considérable. Enfin, il y a 2 ans, lorsqu'on a commencé ce travail-là, on n'avait même pas de logiciel assez puissant pour analyser une base aussi grosse. Maintenant, notre logiciel permet même d'absorber 10 fois plus, puisqu'on a analysé le Cablegate de Wikileaks qui fait plus de 250 millions de mots. Mais ça nous a demandé d'évoluer beaucoup dans la programmation par rapport à ce qui se faisait depuis 30 ans. Donc maintenant, un corpus de 2,5 millions, presque 3 millions de mots. Hier après-midi, j'ai analysé un corpus de 4 millions de mots. Ça passe sans aucun problème. Et donc, ça nous permet déjà de voir s'il y a un traitement uniforme d'un concept comme la laïcité, ou s'il y a des moments. Et là, on voit assez clairement qu'on a un moment qui apparaît par ici et qui va être le moment qui va nous intéresser tout à l'heure. Alors après, si on veut faire des analyses fines, on regarde à chaque fois qu'il y a un pic à quoi il correspond. C'est d'ailleurs ce qu'on peut faire. J'essaie de ne pas être très long là-dessus. Voilà le même graphique, mais un tout petit peu resserré uniquement sur la FP. Et on voit qu'il y a ici la période fin 2003, fin 2004, enfin automne 2003, automne 2004, qui va nous intéresser, puisque c'est là qu'il y a une forte concentration d'événements sur la laïcité. Mais qu'il y a aussi un pic par là sur le centenaire de la loi 1905. Hein, vous vous souvenez sans doute ça, de cette chose-là. On a commencé à parler de la loi de 1905 à partir du printemps, et tout un tas de manifestations autour de ça qui ont rappelé la loi donc de séparation de l'Église et de l'État. Une affaire de caricature de Mahomet. Tiens, il y a un petit décalage. Une affaire de caricature de Mahomet en 2006, dont vous vous souvenez certainement, d'abord au Danemark, puis Charlie Hebdo en France, donc qui a tenu l'actualité. Une question de négociation de la Turquie aussi, négociation de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, qui a mobilisé cette question de la laïcité en 2007 notamment. La création du ministère de l'identité nationale, c'était aussi en 2007, donc après l'élection présidentielle, qui a valu notamment la démission de... Alors il y avait ça, et puis l'injonction à enseigner les aspects positifs de la colonisation, qui a valu la démission de 7 conseillers du conseil scientifique de la Cité de l'Immigration à Paris. 7 sur 9 ont démissionné à ce moment-là, donc il y a eu un retour d'actualité de ce côté-là, parmi lesquels Gérard Noriel, d'ailleurs, qui est préfacier de notre ouvrage. Ensuite, il y a eu le fameux discours du Latran, hein, je reviendrai éventuellement, mais peut-être pas trop, mais il y a quelqu'un chez nous qui travaille spécifiquement sur ce discours-là, donc le discours de Nicolas Sarkozy, qui a été nommé chanoine d'honneur du Latran à Rome. Et puis la visite de Benoît XVI en France, qui a aussi mobilisé pas mal de bruit médiatique. Donc là, on était en août-septembre 2008. Et puis une loi sur le voile intégral en 2009 aussi. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de raisons, hein, d'évoquer la question de la laïcité. Alors, on va se concentrer, nous, sur un aspect assez particulier. C'est celui-là, hein, c'est là qu'il y a la plus grande concentration de dépêche AFP. Donc on se dit, tiens, là il y a eu un événement, et on va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé dans cette période 2003-2004, période loi sur le voile, mais on va voir pas uniquement, ou en tout cas cette question de la loi sur le voile a mobilisé d'autres choses que simplement la question du voile. Donc je vous rappelle très rapidement septembre 2003 à octobre 2004. Alors, c'est pas innocent, hein, c'est d'une rentrée scolaire à l'autre rentrée scolaire. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que se posent les questions d'incidents liés au port du voile par des lycéennes, notamment dans des établissements scolaires, avec éventuellement exclusion de deux filles, les sœurs Lévy, qui avaient été exclues d'un lycée en banlieue parisienne. Et donc une décision de justice qui portait aussi à peu près dans le même temps sur la question de la laïcité. La constitution de la commission Stasi pour écrire un rapport parlementaire en vue de l'écriture et du vote d'un projet de loi. La fameuse loi sur les signes ostentatoires d'appartenance religieuse. Qui sera mise en application, dans les établissements scolaires, ce qui ne se fera pas de soi. La question de l'applicabilité de la loi sera posée. Et donc, Évidemment, lorsqu'on regarde tout ça, à la fois du politique, du social, du scolaire, la question des enfants, l'exclusion d'enfants du système scolaire, etc., tout ça a produit une énorme quantité de textes médiatiques, d'articles, pour notamment, non seulement relater et décrire le débat, mais aussi pour l'alimenter et participer à cette controverse. Cette controverse qui va jusqu'à la polémique dans certains cas, on essaiera de différencier en fin d'intervention les deux. Alors ce corpus, il est composé de 9 articles. Là, pour réduire un petit peu, on a réduit à ces grandes dimensions-là, hein, c'est-à-dire des articles des quotidiens, Figaro, La Croix, Le Monde, Libération, L'Humanité, et Les Échos, et puis L'Express, Le Point, Le Nouvel Obs, comme étant des magazines. Ce sont des magazines auxquels on avait accès, qui avaient une base documentaire suffisamment importante sur cette thématique-là. Alors, assez équilibré dans les quotidiens, bien sûr, un peu moins de magazines, puisqu'ils sortent moins souvent. Donc là, ce sont les articles mêmes qu'on a extraits de la base de données. Alors l'idée étant que dans ces journaux-là, certains sont susceptibles d'être plus proches, hein, d'avoir une proximité plus grande avec les questions de laïcité qui les questionnent. Donc un quotidien comme La Croix, mais aussi Libération, hein, sont des organes de presse qui vont... Qui se positionnent sur ces questions-là depuis longtemps. Puis d'autres, Les Échos, par exemple, sont moins concernés par la question de la laïcité. Donc on va voir, puisqu'il y avait quand même un nombre non négligeable d'articles venant des Échos, hein, 186 articles dans la période considérée, 84 000 mots. Donc ça peut être intéressant de voir comment ils se positionnent l'un par rapport à l'autre. Donc question de proximité, notre première hypothèse, plutôt contractuelle, en référence à la théorie du contrat de communication, du contrat de lectorat. Puis une hypothèse plus partisane, c'est-à-dire que la laïcité, la presse peut être considérée comme aussi une presse attachée à des traditions partisanes. Le Figaro, à ce moment-là, était plus proche de la majorité gouvernementale. Donc avait sans doute une vision éditoriale différente de Libération ou l'Humanité, qui était à ce moment-là dans l'opposition, clairement, et donc avait aussi sans doute une façon d'utiliser la laïcité pour faire jouer ces rapports de collaboration, enfin de compétition et de coopération entre les groupes. Alors, si on accepte effectivement ces deux hypothèses, on imagine que cette fameuse cotextualisation, c'est-à-dire l'environnement lexical que l'on va mobiliser à propos de la laïcité, va pouvoir nous amener à observer des différences dans les lexiques de ces journaux. Et donc c'est le logiciel qu'on va utiliser, est un logiciel de lexicométrie. Alors on dit quelquefois textométrie, à Nice ils parlent de logométrie. En tout cas, une approche de la mesure lexicale telle qu'on peut la mettre en œuvre avec le logiciel Iramutech, donc développé par mon collègue Pierre Ratineau à Toulouse. Alors l'idée en termes de méthode, rapidement, c'est que, comme tout statisticien, on fonctionne sur la base d'un tableau lexical. Ce tableau lexical a des lignes et des colonnes. Les colonnes peuvent être soit les articles, on a un peu plus de 3400 articles, on peut imaginer qu'on a 3400 colonnes à ce tableau. En fait, on va être un peu plus fin que ça, on va essayer de découper ces articles en paragraphes, d'une quarantaine de mots tenant compte de la ponctuation, et ce sont ces paragraphes-là qui vont être mis en colonnes. Alors pourquoi des paragraphes et pas les articles? Parce que pour la qualification d'un article, on peut imaginer qu'un même article regroupe plusieurs idées, et que ça serait un petit peu caricatural de ramener cet article à une idée. La notion de paragraphe nous permet vraiment de tester des distances réelles entre les articles. Donc c'est segment de texte, hein, paragraphe ou segment de texte, c'est la même chose. Donc on a 3467 articles qui vont être découpés en 74 524 segments de texte. Donc on a 74 524 colonnes à notre tableau. Sur les lignes, on va y mettre du lexique, c'est-à-dire des mots. On va segmenter ce corpus donc en mots, c'est-à-dire en gros en chaîne de caractères, mais pas uniquement, c'est-à-dire que ces mots vont être reconnus. D'abord, on va voir si ces mots sont des verbes, sont des substantifs, sont des adjectifs, sont des connecteurs, des modalisateurs, des adverbes, des choses comme ça. Et puis, on va aussi repérer que dans ces mots-là, il y a peut-être des locutions, des mots qui vont ensemble. Hein, c'est-à-dire que Point de vue, ce n'est pas point de et vue. C'est un mot entier, lutte des classes, week-end, sont des mots qui sont considérés comme des mots entiers. Donc on a une opération de reconnaissance dans le texte pour ramener toutes ces locutions à une forme pivot. Et puis la lémmatisation, c'est une opération qui consiste à neutraliser les effets de genre et de nombre et de conjugaison des mots pour les ramener à une forme pivot. En gros, on va ramener tous les mots au masculin singulier pour ce qui est des noms et des adjectifs. Comme ça, on évite d'avoir plusieurs mots différents qui ne sont différents que parce qu'ils ont un genre ou un nombre différent. Et puis, même chose, on va ramener tous les verbes à l'infinitif pour neutraliser la conjugaison. En tout cas, dans cette approche-là, on a d'autres approches qui peuvent réintégrer après ces différences, notamment pour faire jouer de la temporalité. Mais là, on ne va pas le faire. Et donc, partant de là, on a donc 2 656 000 mots, hein, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, qui correspondent à 58 000 mots différents. Et là-dedans, lorsqu'on a opéré les opérations de réduction des substantifs et des verbes et des adjectifs, on arrive à 36 704 lignes possibles à ce tableau-là. Donc, vous voyez, c'est un tableau qui est assez énorme, 74 000 colonnes, 36 000 lignes. Alors, dans ce tableau, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre la présence ou l'absence d'un mot dans un paragraphe, dans un segment de texte. Donc 0, le mot n'appartient pas au segment de texte. 1, il appartient au segment de texte. Donc vous imaginez que ce tableau est plein de 0 et de 1, et que l'idée, c'est que si je prends les lignes, là, le lexique, ben, si j'ai ici 001, 0001, et ici j'ai 001, 0000, ben, j'aurai deux mots qui ont à peu près les mêmes profils, dont les différences seront faibles. Donc je me dis, tiens, ces deux mots apparaissent souvent dans les mêmes paragraphes, donc je vais les mettre ensemble. Et donc, on va pouvoir classer tout notre corpus en fonction des profils de mots. Alors, on peut le faire sur les mots, mais ce qui est beaucoup plus subtil et ce qu'on fait, c'est qu'on peut le faire sur les paragraphes. C'est-à-dire, les paragraphes qui mobilisent les mêmes mots vont pouvoir être mis ensemble. Les paragraphes qui ne mobilisent pas les mêmes mots, dont les suites de 0 et de 1 ne sont pas les mêmes, vont pouvoir être mises dans des classes différentes. C'est ce qu'on appelle la classification lexicale. Donc, on part du corpus, on coupe en deux classes des paragraphes, des segments de texte qui ont à peu près les mêmes profils de mots. On prend la plus grande des deux classes, on la recoupe en deux. On prend la plus grande des trois, on la recoupe en deux, et etc. Et on commence une première classe, une première classification, comme ici en quatre classes, on regarde à quoi elle ressemble. Une fois qu'on la comprend bien, on va aller un petit peu plus loin, on va dire, tiens, on va essayer de voir une partition supplémentaire. Là, il va nous faire six classes, on le regarde. Et on peut aller comme ça assez loin. La classification que je vais vous montrer aujourd'hui est une classification en 13 classes. Qui nous paraît assez cohérente, on pourrait aller encore plus loin. À chaque fois qu'on classe un peu, qu'on fournit un peu plus de classes, on gagne en finesse et en information. Après, on perd en temps pour vous exposer tout ça. Mais on en a fait une en 18 classes, qui est aussi assez cohérente. Là, je vais rester à 13 classes, ce qui est suffisant. Donc, qu'est-ce qui nous dit l'appareil? On est parti du corpus ici. On l'a coupé en deux. On voit ici ces classes-là. Qui s'isolent très vite dans la partition. Ensuite, on a ces classes-là qui s'isolent très vite dans la partition. Et puis ensuite, on a cette classe 13-là qui est un petit peu toute seule. Et puis on a ces classes qui apparaissent. La classe 13, la classe 10 aussi qui est un peu toute seule. Puis la 1, 2 et la 3, 4 qui apparaissent toutes seules. Alors une fois que l'appareil nous a dit voilà les classes et voilà ce qu'elles correspondent sur le corpus, on voit que la 5 est assez grosse et la 9 aussi. On voit que la 2 est plus petite. Bon, une fois qu'on a ces choses-là, on va calculer non seulement les mots qui sont corrélés à chacune de ces classes pour les interpréter, mais aussi les paragraphes qui sont les plus significatifs. Et c'est à partir de là qu'on va repérer ce qu'on appelle la cotextualisation de la laïcité. Quand la laïcité est mobilisée, c'est avec quel type de lexique? Alors, si je pars des premières classes isolées, hein, 8, 9, 11, 5, ben, on a une première classe qui nous dit des choses comme ça, c'est-à-dire qui est fortement centré autour de ministres, hein, mais aussi ministre en liaison avec quoi? Avec le président, l'Élysée, hein, Jacques Chirac, qui a prononcé un discours là-dessus. Et puis aussi Jean-Pierre Raffarin, qui est le Premier ministre, chef du gouvernement, et qui prend position sur quoi? Sur la loi à propos de la laïcité, qui va ouvrir un débat parlementaire. Hein, donc on a cette classe-là, qui est une classe... plutôt de gestion politique du débat. On contextualise la laïcité au niveau de l'exécutif, c'est-à-dire comment le gouvernement et le chef de l'État s'emparent de la question de la laïcité pour proposer un projet de loi, hein, un texte qu'il faudra adopter, qu'il faudra voter, etc. Alors, on peut aussi extraire les paragraphes. À chaque fois, j'en ai mis qu'un parce que sinon, ça serait très long. Mais voilà un paragraphe possible. Le ministre des Affaires sociales s'est livré à une charge nourrie contre Nicolas Sarkozy, son principal rival pour la succession de Jean-Pierre Raffarin. On voit que c'est non dénué d'intention électorale, mais on verra que les élections s'approchent. Qui était très dur sur l'opportunité de légiférer sur le voile. Hein. Voilà, c'est surtout l'idée de légiférer sur le voile qui fait remonter cette classe-là. Donc ça, c'est un paragraphe issu de Libération en 2003. Donc une première classe qui parle de ça. Une deuxième classe qui parle aussi de gestion politique du débat, mais alors là, beaucoup plus dirigée vers les partis. Hein, on voit l'UMP. Et donc la présidence, ça n'est plus président de la République, c'est président du groupe UMP à l'Assemblée. Hein, et là, on a le Premier ministre aussi, mais on a aussi un ancien Premier ministre, ça c'est Jospin. On a des secrétaires nationaux, donc on a vraiment une logique de parti. On a aussi les élections régionales qui apparaissent, donc ce débat qui n'est plus législatif, qui devient un enjeu électoral en vue des prochaines... Bon, je vais prendre le pointeur parce que mon... En vue des prochaines élections, c'est net ou c'est moins... Vous arrivez à lire un petit peu ou pas? Oui. Vous me dites, hein, que c'est peut-être mes lunettes qui ne sont pas adaptées. Pour l'anecdote, j'essaye de me faire au vert progressif et j'ai encore un petit mal. Donc il faut que je trouve le bon niveau. Oui, donc c'est ça. Ici, élection, campagne, hein, on voit donc la contextualisation de la laïcité dans un enjeu qui n'est plus un enjeu législatif, qui devient un enjeu électoral. Agacé par les estocades de François Bayrou, qui rejette pour l'instant tout accord avec de l'UDF avec l'UMP, pour les élections régionales, Alain Juppé a indiqué hier que son parti était déjà entré en campagne. On peut se demander pourquoi la laïcité est intégrée à ça. Ça n'apparaît pas clairement dans cet extrait-là, mais la laïcité devient aussi, en tout cas cette loi, devient aussi un enjeu électoral. Et en tout cas, les articles à partir du mot-clé laïcité ont aussi fait remonter ce genre de contexte. Et on verra tout à l'heure que ce n'est pas innocent quand on verra les journaux qui investissent le plus ce lexique-là. Ensuite, il y a la loi elle-même, c'est-à-dire une description de la loi. Hein, donc loi, on va voir loi sur le voile, hein, le voile éventuellement islamique, qui s'appliquera au lycée et au collège, avec des questions de neutralité des services publics, hein, avec des questions de responsabilité des chefs d'établissement scolaire, ici. Et il s'agit donc d'interdire des signes ostentatoires, hein, on voit très très bien, ou ostensibles, notamment comme des croix ou des kippas. Vous voyez comment ce logiciel nous rend bien compte, hein, de la façon dont s'organise. Donc je ne vais pas tout développer, ça serait très long, hein, mais le port de tenue religieuse, ici, loi sur le port de tenue religieuse, etc. Bon, on commence à parler de la commission Stasi aussi. Et là aussi, donc, s'inspirant largement du rapport de la commission Stasi rendu public la semaine dernière, le chef d'État veut une loi interdisant le port de tenues ou de signes qui manifestent ostensiblement l'appartenance religieuse dans les écoles, les collèges et les lycées publics. Ça, c'est un article des Échos le 8 décembre 2003. Le voile et l'école, alors là, c'est la même chose, mais du côté de l'élève. Hein, donc c'est là qu'on va parler des établissements scolaires, mais dans un contexte très très différent qui est le contexte, j'allais dire, anecdotique. En tout cas, le contexte sur l'exclusion des filles. J'ai perdu encore mon pointeur. Où est-ce qu'il est ? Ah, ça y est. D'une jeune fille qui portait, oui, il a porté normalement, voilà, le port du voile. Qui portait donc et qui a été exclu. Je ne vois pas l'exclusion, mais il est peut-être par là, il est caché. Mais donc c'est toute la question de se couvrir la tête, de mettre autre chose, etc. Et là, c'est peut-être là, proviseur Aubervilliers Collège, ça c'est l'affaire vraiment. Voilà, Lévy, c'est les sœurs Lévy. Vous l'avez trouvé l'exclusion ? L'exclusion, c'est le groupe vert du milieu. Ah, bah, oui, d'accord, il est là, il fait la transition, merci. Voilà, la décision prononcée, une exclusion décidée, il a pris la décision d'exclure, etc. Et validée par la cour d'appel. Donc là, on a le voile et l'école. Tout à l'heure, c'était le voile et la loi. Là, c'est notre contextualisation de la laïcité. C'est pour raconter des histoires concrètes et des positionnements concrets et quotidiens. Et c'est là qu'on est dans une... On mobilise surtout ces contextes-là au moment des rentrées scolaires, hein, notamment en octobre 2003 et en septembre 2004. Là, c'est la rentrée, les questions se posent. ça aurait pu devenir un véritable marronnier, comme on dit dans les médias. Donc un extrait particulièrement significatif qui nous raconte que le règlement intérieur du lycée interdit tous les couvre-chefs excluant d'office les foulards, les bandanas, les kippas ou les casquettes. Ça, c'est Libération. Alors ça, ce sont les quatre premières classes. Si on regarde ces trois autres qui se dégagent ensuite, on va avoir des contextes très très différents, bien évidemment. Premier contexte autour de la menace. C'est-à-dire, et là, c'est là qu'on fait le lien entre identité et laïcité. C'est la question de la menace. C'est-à-dire, alors là, la menace, j'y reviendrai tout à l'heure, j'espère que j'aurai le temps. La menace que représentent les gens qui ne respectent pas la valeur fondamentale de la laïcité. Donc c'est islamisme, mais islamisme interne ou islamisme externe, avec l'implication dans les guerres ou la question du terrorisme. On avait à ce moment-là deux journalistes, Cheno Malbruno, qui étaient retenus en otage. Et on s'aperçoit que laïcité fait remonter aussi des choses sur ces prises d'otages. Donc on a la guerre en Irak qui vient ici. Alors c'est pour ça qu'on a prendre otage ici, prise d'otage, la guerre en Irak, l'Afghanistan, le terrorisme, et puis la guerre avec aussi des rapports internationaux, George Bush ici, et puis la force militaire, les armes, etc. Donc la question de l'Irak. La question de la France qui nous renvoie des affaires d'Algérie et de Maroc. Et puis toute la question, alors très entrée sur le monde musulman, monde musulman ou monde arabe, avec notamment le conflit israélo-palestinien, mais aussi de façon beaucoup plus interne, l'intellectuel Tariq Ramadan. Alors là, vous avez un petit underscore, un petit souligné, c'est pour distinguer ce Ramadan-là du Ramadan, puisque là, c'est quelque chose qu'on essaye de faire au maximum, lorsqu'il y a un terme sur quatre de la langue française est ambigu, c'est-à-dire possède plus d'une signification. Donc, de temps en temps, la plupart du temps, le corpus lève de lui-même ses ambiguïtés, puis de temps en temps, non. Et là, c'est le cas. Ramadan avait deux significations. Donc, on a pris cette astuce pour distinguer l'intellectuel Ramadan de la fête du Ramadan. Voilà. Donc, l'islam, la guerre, le terrorisme, ce groupe, alors c'est un groupe terroriste, demande au gouvernement français de revoir sa décision sur le voile, donc l'implication des terroristes dans un débat français. Les ravisseurs, l'armée islamique en Irak ont déjà revendiqué l'assassinat de plusieurs otages. Et donc là, l'une des revendications des preneurs d'otages à ce moment-là, c'était de revenir en arrière sur la loi sur le voile. L'aspect culturel, la culture, c'est-à-dire au sens large, le fait que en France, c'est pour ça que c'est vraiment dans le noyau France ici. En France, il y a aussi des manifestations culturelles autour de la laïcité, des pièces de théâtre, des films qui sortent, des écrits, des ouvrages. Et donc, notamment dans des villes, c'est pour ça qu'on a ville ici, de temps en temps, beaucoup de manifestations culturelles. Alors, tout ce qui est courrier des lecteurs, bien sûr, mais tout ce qui est aussi ici, là, des manifestations à l'université. Je ne retrouve plus les ouvrages, etc., mais je vais l'avoir dans l'extrait. Et donc, on a aussi, à un moment donné, dans certains journaux, la mise en évidence de certaines manifestations culturelles autour de la laïcité. Voilà. Par exemple, concrètement, la Ligue se fait l'interface entre les citoyens et différents acteurs culturels de la ville, du département, et propose ici un opéra écrit par les enfants, là, de réunir 600 chercheurs et enseignants pour discuter de la lutte contre les inégalités. Voilà. Donc là, je ne sais pas de quelle ville il s'agit, d'ailleurs, il faudrait que je regarde dans cet article de l'Express, mais l'idée qu'il y a aussi, à un moment donné, des manifestations qui peuvent mobiliser le milieu culturel et éventuellement universitaire ou scolaire pour parler de la laïcité et créer une véritable animation citoyenne qui est à ce moment-là datée et localisée. Les récits de vie, encore un autre lexique très différent. Là, ce sont la laïcité vécue au quotidien, alors notamment dans des banlieues, dans des villes dans des villes périphériques. Donc on voit ici les quartiers de banlieue, ici. Et là, vraiment, on raconte des histoires sur la façon dont les gens vivent cette laïcité, notamment donc, dont, des musulmans, des juifs, vivent la laïcité ou pas. Donc quel problème ça pose d'être un pays laïque quand on est religieux? Alors quand on est religieux, musulman essentiellement, hein, pour les autres, la question ne se pose pas. Mais j'y reviendrai. Mais ça, c'est la différence qu'on voyait circuler sur le web, hein, pendant les élections. Sur nous, les croyants, nous sommes laïcs et nous avons nos lieux de culte et nous embêtons personne. Ce n'est pas comme eux qui font les prières dans la rue, qui ne sont pas laïcs. Hein, donc il y avait nous, les croyants, nous sommes laïcs, mais eux, ils font les prières dans la rue, ils ne sont pas laïcs. Donc on a cette contextualisation-là aussi, alors qui est moins caricaturale, bien évidemment, que dans la bouche de cette candidate du Front National dans le sud-est de la France. Mais on a quand même cette distinction-là. On parle de la laïcité pour voir comment elle se vit essentiellement chez les musulmans. Essentiellement, alors on a une thésarde qui fait sa thèse sur les jeunes, les bandes de jeunes, les jeunes de banlieue, etc., et qui travaille beaucoup sur cette question-là. Alors voilà, donc là, ce sont des récits de vie. Hein. Parfois, des parents croyants sont eux-mêmes complètement dépassés par les pratiques religieuses de leurs enfants. Ils n'écoutent plus de musique, les filles se voilent, ne serrent plus la main des hommes pour les saluer, racontent tant dans la cité, etc. Donc, ça, notre façon de positionner. Et enfin, si je regarde les dernières classes, je vais les traiter un peu ensemble pour aller plus vite. On a cette classe 13 qui apparaît très très vite, qui concerne la Turquie. Hein, donc, l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne est mobilisée aussi comme posant un problème de laïcité. Et donc on a adhésion Turquie, démocratique, etc. Et c'est vrai que la Turquie est le seul pays musulman et l'un des rares pays européens à avoir inscrit dans sa constitution même le principe de laïcité. Moyennant quoi, ça pose aussi un problème par rapport aux dernières élections en Turquie avec ceux qu'on appelle les islamistes modérés, etc. Et donc toute cette question, c'est peut-on faire rentrer un pays musulman dans l'Union européenne? Oui, mais c'est un pays laïque. Mais alors là, c'est un vrai débat et qui est abordé donc dans les médias, donc en mettant en opposition la Turquie et l'Europe. L'adhésion d'Ankara au cœur des élections européennes, le débat sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne fait rage dans les pays qui craignent que ce nouvel élargissement ne réduise l'Europe à un vaste marché et ne sonne le glas de l'union politique. La question de l'intégration, alors une question conceptuelle, qu'est-ce que c'est que l'intégration? Cette classe 10, dont on reparlera tout à l'heure parce qu'elle se positionne de façon assez intéressante, donc intégration et laïcité. Hein, donc là, les gens qui disent... La laïcité, c'est la condition de l'intégration pour être français, pour participer à la communauté française. Et donc là, on a des termes comme communautarisme, hein, donc l'intolérance et le communautarisme. Bien sûr, la question de l'extrême droite par rapport au communautarisme, mais aussi des questions sur les conditions d'intégration, hein, des Français, pour que les quartiers ne soient pas des ghettos, pour qu'il y ait un développement, etc. Donc là, vous voyez à peu près, hein, toute la question de la discrimination et de l'intégration est faite au niveau... Bon, je pourrais en parler des heures de ce mot intégration comme passage du français à la discrimination en passant par le politique. Mais donc ça, tout ça, ce sont des segments de texte. Donc voilà, la France souffre aujourd'hui d'un déficit d'intégration, échec politique, inégalité, pauvreté, discrimination, qui sont les premières causes de la montée des communautarismes et du repli sur soi. Article de l'Humanité en décembre 2003. Bien sûr, toute la question de la religion elle-même. La religion et la laïcité, alors c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Quelles sont les conditions de l'exercice d'une religion dans un pays laïque? Quelles sont les questions, les compatibilités et les aménagements des religions? Alors là, on va parler de chrétiens. Quand on parle de religion et de laïcité, là, on parle beaucoup plus de chrétiens que de musulmans. Hein. Donc on n'est pas dans le même contexte. Et on parle alors beaucoup plus de religieux et de spiritualité que de vie dans les quartiers ou de monter des communautarismes. Hein, là, la religion, quand on se... Alors il y a l'islam aussi, parce que c'est les relations entre l'islam, notamment l'islam religieux, mais vu d'un point de vue spirituel. Là aussi, quand on approfondit, dire islam et dire musulman, ce n'est pas du tout la même chose, qui paraît évident comme ça, mais ce qui prend son sens dans l'écriture médiatique. Ceux qui parlent de religieux ne parlent pas de personnes, ils parlent de spiritualité. Ceux qui parlent de musulmans parlent des personnes et beaucoup plus facilement des quartiers. On parle de spiritualité laïque, mais non de religion laïque. Entre le culturel dont relève en partie le spirituel et le culturel auquel on peut rattacher le patrimoine, la distinction n'est pas si aisée qu'il y paraît. Ça, c'est la Croix qui, bien évidemment, on peut s'y attendre, investit beaucoup cette question de la spiritualité et de la religion. Pas loin, parce que la classe 1 et 2 sont liées, il y a les valeurs, notre spiritualité finalement, les valeurs de la République, donc on voit liberté, égalité, dans l'analyse qu'on a faite du débat sur l'Assemblée nationale, laïcité est le quatrième élément du triptyque, hein, très souvent, laïcité est liée à liberté, égalité, fraternité, on avait cette discussion-là tout à l'heure, avec une photo que je voudrais bien avoir, et donc là on retrouve exactement ça, hein, c'est-à-dire des gens qui disent que la République s'inscrit dans liberté, égalité, laïcité, hein, qui est ici. Et donc que, bien sûr, dans cette question de laïcité, là, on environne ça au niveau, tout à l'heure c'était au niveau de la spiritualité, de la religion, etc. Là c'est au niveau des valeurs fondamentales de la République. Donc droits qui sont très souvent, non pas comme le disait Besson, les droits et les devoirs, mais très souvent les droits de l'homme et du citoyen, hein, ici, les droits de la femme. Et la question de l'égalité homme-femme au travers de droits. Alors de droits dans différents domaines, là aussi c'est pareil. On pourrait en discuter beaucoup. On ne peut accepter par exemple que certains s'abritent derrière une conception dévoyée de la liberté religieuse pour défier les lois de la République ou mettre en cause des acquis fondamentaux d'une société moderne que sont l'égalité des sexes et la dignité de la femme. L'humanité, dont je reparlerai parce qu'elle a un positionnement très particulier, l'humanité, sur cette question-là. La mondialisation et la domination, enfin en tout cas les rapports de pouvoir entre les pays, là on a une contextualisation beaucoup plus économique. C'est-à-dire que derrière la laïcité peut se cacher aussi des questions de relations entre les pays, entre les cultures, qui ne sont pas uniquement des relations interculturelles, qui sont aussi des relations économiques, c'est-à-dire la montée en puissance de pays émergents. Et finalement, la façon d'intégrer... Alors, la montée en puissance de pays émergents, d'une part, et puis, d'autre part aussi, le commerce avec des pays puissants, mais qui n'ont pas forcément un attachement aux mêmes valeurs, notamment à la valeur de laïcité, comme les nôtres. Donc, le questionnement, à chaque fois, ça s'était produit, à chaque fois que quelqu'un vient de ces pays-là, que ce soit la Libye, le Qatar, etc., et vient en visite officielle, ça déclenche aussi un certain nombre de dépêches et de réactions médiatiques, en disant, est-ce qu'on est vraiment dans le respect des droits de l'homme et de la laïcité lorsqu'on accueille tel ou tel dirigeant d'un pays producteur de pétrole en finalement minimisant les valeurs fondamentales de notre République. Donc là, toute cette question-là de rapport sociopolitique, de domination, de rapport de pouvoir entre les États est posée aussi et mobilisée à propos de la laïcité. Donc l'émergence du pouvoir des peuples en tant que facteur de la politique internationale a entraîné une diffusion fondamentale du pouvoir dans la politique mondiale malgré la concentration de la puissance militaire et économique entre les mains de quelques pays. Donc ça c'est une citation à un moment donné qui comporte particulièrement, alors même si la citation elle-même est un peu absconse, mais elle comporte beaucoup de ces mots-là hein, qu'on retrouve dans ces contextes-là. Donc l'idée de politique internationale, de mondialisation, de concentration, puissance économique, etc. La classe 4, qui est une classe un peu particulière, sur laquelle on va quasiment finir, qui est un peu particulière parce que c'est la classe des questions, hein, c'est un vocabulaire un peu particulier, c'est l'appel à une réflexion sur qu'est-ce que c'est que la laïcité, comment on peut la définir, qu'est-ce que ça serait qu'une... Alors, vous avez des choses comme prendre le temps, hein, vous avez agir, réforme, vous avez des mots comme problème, question, débat. Vous voyez, les gens qui posent la question. On avait la même chose avec l'identité nationale. Des gens qui se connectaient, il y a eu 18 240 personnes qui se sont connectées sur le forum. Il y a des gens qui se connectaient pour dire pourquoi on pose cette question, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il est possible de définir... l'identité nationale. Et là, on a la même chose. Comment est-ce qu'il ne faudrait pas prendre notre temps, prendre en compte un certain nombre de choses? Qu'est-ce que c'est que la laïcité à la française, etc. Et là, on a ce que j'appelle, moi, la France du bac philo. C'est-à-dire le bac philo qui nous apprend à répondre à une question par une autre question. Et la seule chose que je pouvais dire à un moment donné, je me souviens, c'était sur France Inter, il y avait un journaliste qui voulait absolument que je lui dise, mais c'est quoi le fondement de l'identité nationale ? Je dis, mais on n'en sait rien. Et plus on s'avance, moins on y voit clair dans cette affaire-là. À chaque fois qu'on me dit, c'est ceci, je trouve tout de suite, le pendant, quelqu'un qui va dire, non, c'est surtout pas ça. Et je me dis, peut-être la seule chose que je verrai, c'est ça. C'est le français, c'est celui qui répond à une question par une autre question. Parce que le bac philo, il n'y a que chez nous qui se passe. Et c'est cette bonne vieille, ce bon vieux cartésianisme, ce doute hyperbolique de Descartes. On le retrouve un petit peu là-dedans. Comment je peux répondre, comment je peux poser le problème, le poser et le rendre problème, finalement, plutôt que d'essayer de le définir tout de suite. Donc, que signifient ces signes ? Alors, voilà. Alors là, en plus, il y a l'action. Hein. Il y a l'action sociale sur laquelle je suis passé un peu vite. Mais ils disent aux autres, et d'abord à l'éducateur, « Trop tard, mon opinion est faite. Vous pourrez toujours essayer de m'en faire changer, voire simplement de me faire connaître d'autres points de vue ou de me montrer une autre façon de poser le problème. Vous perdrez votre temps. » Donc là, on est vraiment dans le débat. Hein. Mais dans le débat axiologique. On n'est pas dans le débat politique comme tout à l'heure, on n'est pas dans l'économie. On est vraiment dans le débat d'idées hein, et dans la confrontation des gens qui ne partagent pas les mêmes options fondamentales. Alors, pour essayer de finir, parce que je ne voudrais pas prendre trop de temps, on peut aussi cartographier de cette façon-là, un petit peu complexe, l'ensemble de ces informations-là. En gros, on lit ça comme une carte de France, c'est-à-dire les mots qui sont proches les uns des autres sont souvent employés dans les mêmes paragraphes, les mots qui sont loin les uns des autres sont employés dans des paragraphes différents. Et l'intérêt, c'est vous voyez, un petit peu comme si on prenait Paris, Toulouse, Montpellier, Grenoble, Strasbourg. Il y a des façons de parler, il y a des accents qui font qu'on retrouverait les gens proches les uns des autres. Mais là, c'est un petit peu la même chose. Sauf qu'on retrouve ici les mêmes choses avec des oppositions particulières. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir qu'il y a deux oppositions en diagonale. La diagonale étant ce qui optimise les distances. On a une première diagonale qui porte, vous voyez, ici, sur l'interdiction du port de signes religieux à l'école, hein, sur la question des lycées, des élèves, sur la question des parents, d'être voilé, d'enlever son voile en classe, etc., avec des noms propres. On a quelque chose qui est très endogroupe, hein, qui concerne notre groupe France et la façon dont nous-mêmes nous gérons cette affaire de laïcité chez nous. Alors que de l'autre côté, on a la Turquie, l'Irak. Alors Tariq Ramadan qui est quelque chose d'intéressant, mais surtout donc, les attentats, Saddam Hussein, on a l'Égypte, on a la Palestine. Donc on a, la Turquie est là, hein, on a l'exogroupe, c'est-à-dire la laïcité quand elle nous sert à nous positionner par rapport à l'extérieur. Alors nous positionner d'une part, mais aussi brandir des menaces. Hein. On a aussi l'opposition ennemi de l'intérieur, ennemi de l'extérieur, qui se joue dans cette diagonale-là. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'ai attiré votre attention là-dessus tout à l'heure, c'est le positionnement de l'intégration comme étant au milieu. C'est-à-dire que l'intégration dans les journaux, alors l'intégration, vous l'avez ici, intégration, immigration, immigré, origine, identitaire, communautarisme, communautaire, discrimination, etc. Vous avez ici cette classe 10 de tout à l'heure qui finalement se présente comme étant l'intersection ou le passage de l'exo à l'endo. Et c'est marrant parce qu'au niveau d'une définition, on pourrait très très bien le définir comme ça. Ce qui est très intéressant, je trouve, c'est Emmanuel Marty qui a trouvé ça. C'est de voir comment les médias, finalement, en ayant totalement une totale inconscience de ça, nous redisent cette définition-là. C'est-à-dire nous redisent finalement l'intégration, c'est entre l'endo et l'exo que ça se joue, entre l'extérieur et l'intérieur. Donc ça, on est en train de l'approfondir, en train de l'écrire. Enfin, Emmanuel est en train de l'écrire pour le livre qui sortira sous la direction de Patrick Charaudeau. Et la deuxième diagonale, c'est une diagonale alors beaucoup plus, moi, que j'interprète comme une diagonale de la confrontation, c'est-à-dire ce qui oppose la polémique et la controverse. C'est-à-dire qu'en haut, on a vraiment l'inscription de la laïcité dans une opposition de sujet, hein, dans une opposition politique, position de personne, on a beaucoup de noms propres de la politique nationale qui sont en haut à gauche. Donc on a ce qui font de la polémique. Alors ce que, là je ne vais pas aborder ça, mais ce qu'on appelle en psychologie sociale du langage, les attitudes syntagmatiques à l'égard du langage, ça c'est Beauvois-Guiglione 81, sur lequel je travaille depuis 5 ou 6 ans. Et qui est opposé alors à la controverse, c'est-à-dire le positionnement des objets, beaucoup plus que des sujets. En termes de valeurs, on voit apparaître ici la liberté, l'égalité, la fraternité, on voit apparaître la conscience, la religion. On voit que religion se situe là alors que religieux ne se situe pas là. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a la même chose. Oui, religion est là. Religion se situe là, religieux se situe ici. Hein, donc on ne dit pas la même chose quand on dit l'un et l'autre. Et on a vu tout à l'heure pourquoi. Parce que religieux, c'est vraiment... on parle vraiment de spiritualité alors que religion, on parle de... Non, c'est le contraire. Religion, on parle de spiritualité, alors que religieux, on parle beaucoup plus d'individus. Même si c'est l'adjectif religieux, hein, ce n'est pas le nom religieux. Pour finir, est-ce que je peux imaginer, qualifier les journaux, puisque tout ça a été fait indépendamment des sources? Alors, première chose que je pourrais dire, c'est au niveau d'une représentation sociale normative, qui était ma première hypothèse, la laïcité est-elle une représentation sociale normative? Une chose que je peux observer, c'est que les analyses ne me restituent aucune classe d'opposition à la laïcité. C'est-à-dire que même si on veut disqualifier une population, c'est au nom de la laïcité qu'on va la disqualifier, mais on ne retrouve pas, en tout cas dans les discours médiatiques, ce que j'avais pu retrouver dans le Forum sur l'identité nationale, c'est-à-dire des néologismes de type laïcisme, hein, qui vont avec les droits de l'homisme, etc. Là, on ne le retrouve pas. Donc, on ne retrouve pas de disqualification de la laïcité en tant qu'objet, en tant que valeur. Donc, la laïcité est consensuelle. Elle fait l'objet d'un vaste consensus et elle peut donc être, elle ne peut être mobilisée que pour disqualifier quelqu'un, mais en acceptant ses principes. Donc, de ce côté-là, elle a tous les traits d'une représentation sociale normative telle que Doise les définissait. Dans d'autres cas, hein, j'ai une opposition des pour et des contre qui est très très claire. Ici, on n'a pas d'opposition des pour et des clairs dans ce que des pour et des contre dans ce que je viens de vous exposer. Si je reprends mes classes et que je positionne mes journaux dessus, ben, on voit que les journaux n'investissent pas tous les mêmes classes thématiques. En tout cas, je ne devrais pas le dire comme ça parce que c'est l'inverse. Les classes thématiques ne sont pas mobilisées de la même façon par les journaux. C'est comme ça que ça se passe au niveau statistique. Et on voit alors, je parlais tout à l'heure de l'humanité, on voit que l'humanité mobilise plusieurs classes thématiques, mais toujours des classes thématiques qui ne sont pas définitionnelles de la laïcité. C'est-à-dire que la stratégie de l'humanité, c'est de mobiliser, de contextualiser la laïcité avec d'autres problèmes. D'autres problèmes d'égalité, d'autres problèmes de lutte contre les inégalités, contre les soumissions, les dominations, etc. Et donc aussi, question de... Donc moi, c'est surtout celle-là, mais les autres reviennent un petit peu là-dessus. Hein, lutte contre le racisme, etc. Puis des classes plus économiques, ici. Si je regarde, par exemple, la différence entre les échos et la croix, qui était ma première hypothèse, hein, je vous rappelle ma première hypothèse, qui était, en fonction du niveau de proximité qu'on peut avoir vis-à-vis de la laïcité, c'est-à-dire au niveau de notre ligne éditoriale, au niveau de notre raison d'exister en tant qu'organe de presse, on devrait avoir des investissements différents. On va effectivement avoir la croix qui va beaucoup plus s'intéresser à la loi sur le port de signes religieux, tandis que les échos vont beaucoup plus investir la sphère politique, hein, c'est-à-dire, et même la sphère politique, j'allais dire politicienne. C'est-à-dire que les échos n'investissent pas les définitions de la laïcité, les conséquences sociales, politiques du terme lui-même. Par contre, les échos investissent la conséquence pour le débat à l'intérieur du Parlement, par exemple. Alors, ça, c'est intéressant. Là aussi, je vais essayer d'aller vite. C'est intéressant, mais on retrouve dans d'autres domaines cette idée que lorsqu'on ne connaît pas un domaine, on va le traiter de façon politicienne. Et ça, c'est très souvent dans les journalistes. Une façon de ne pas avoir de proximité avec un domaine, c'est de le ramener à des alliances et d'oppositions faciles à mobiliser. On se dit que tout le monde aura quelque chose à dire lorsqu'on le mettra en face à son adversaire et que ce n'est pas la peine de poser des questions très pointues. On voit par exemple autre chose, que la croix investit la loi, mais n'investit pas la spiritualité. La spiritualité est beaucoup plus investie par le Figaro. Le Figaro va avoir un regard à la fois sur l'endogroupe, spiritualité, culture, religion, etc., et l'exogroupe, c'est-à-dire les Turcs, l'Union européenne, l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, etc., le point aussi un petit peu, mais beaucoup plus cette partie spirituelle que la croix. On aurait pu l'attendre là, mais non, la croix vis-à-vis de la laïcité est très factuelle. hein, ne rentre pas dans le, tellement dans le discours de la spiritualité, mais reste factuel. Voilà, on voit aussi une différence entre la presse quotidienne, la presse magazine. Hein, on voit beaucoup les magazines qui sont soit sur la culture, soit sur les conséquences de ces débats par rapport à la politique extérieure, aux otages, etc. Alors qu'on a quelque chose de beaucoup plus quotidien, bien évidemment, dans les organes quotidiens. Donc voilà, à peu de choses près, en ayant pris un peu trop de temps, ce qu'on peut faire en approche lexicométrique de la définition d'un mot par ses usages. Et ben voilà une dernière représentation qui est... Ça, c'est l'intégralité du corpus dans lequel on a simplement colorié les mots en fonction des termes qui les mobilisent le plus. Et vous allez voir que, par exemple, la Croix et le Figaro vont mobiliser les mots église, par exemple, que les Échos, effectivement, mobilisent beaucoup plus gouvernement, Raffarin, président, il doit y avoir premier ministre, quoi, réforme, etc. Et que, bon, ici, c'est religieux, hein, mais on a discrimination, texte, etc. Bon, je vais en rester là. Vous voyez un petit peu comment cette lexicométrie peut nous, sur un corpus de 2,5 millions de mots, nous permet d'identifier des cotextes et des contextes qui nous amènent à définir de façon stratégique l'utilisation, l'usage de ce terme consensuel qu'est la laïcité. Merci. Il apparaît comme ça. La deuxième, c'est la différence que vous avez, que vous constatez entre islam et musulman, au niveau des, par exemple, du lexique qui tourne autour d'islam, qui tourne autour du musulman. Et ma troisième question, ça serait de reprendre les thèmes de l'endroit de la définition de la laïcité. Oui. Alors, Tariq Ramadan, attention, le corpus, là, on est en 2003-2004. Hein, voilà. C'est la période où il commence à arriver en force, mais il n'a pas encore la notoriété qu'il a aujourd'hui. Mais ça devient... Alors voilà, il y a eu l'échange avec Sarkozy. Il est en train d'arriver en puissance. C'est un personnage... À l'époque, c'est un personnage qui est difficile à cerner, hein, qui fait l'objet de représentations très, très controversées. Et ce qui est intéressant dans cette analyse-là, c'est de voir que Tariq Ramadan, je ne sais pas si, mais c'est pas grave si je le retrouve pas, n'apparaît pas avec les aspects culturels. C'est ça qui m'a intéressé, c'est qu'il y a une classe spécifique sur les gens qui écrivent des livres sur la laïcité, sur les gens qui créent des pièces de théâtre, qui créent des animations avec des chercheurs, avec des personnalités culturelles. Et là, il y a beaucoup de noms propres, mais plus de villes d'ailleurs, mais aussi d'individus. Et il n'apparaît pas dans ce cadre-là. Il apparaît dans le cadre vraiment du rapport à l'étranger. C'est-à-dire qu'il n'est pas vécu comme étant un intellectuel français qui parle de l'intérieur, il est vécu comme quelqu'un... Enfin, il est contextualisé. Ah, ça serait intéressant. Mais là, on peut le savoir. Mais je ne me suis pas posé cette question-là, mais je me la pose. Et là, par contre, il faudrait que je fasse tourner la machine pour voir quelles sont les concordances quand on parle à chaque fois. Mais ça, c'est quelque chose qu'il va falloir faire. Quand on parle de Tariq Ramadan, dans quel environnement lui-même il est. Donc ça demande simplement de repositionner la machine en disant, au lieu de chercher les schémas que je vous ai montrés en fonction d'une classe, on les cherche en fonction d'un nom. Et donc le nom est clairement identifié. Je peux essayer de voir comment il est contextualisé. Mais là, bien sûr, je ne retrouve pas parce que ça serait trop facile de le retrouver du premier coup. Mais si on voit son contexte, on voit qu'il n'est pas dans le culturel, qu'il est vraiment dans la confrontation. Voilà, il doit être là. Voilà. Il est dans le contexte musulman. Il n'est pas dans le contexte... il n'est jamais évoqué... Et du coup, il est dans le contexte religieux. Mais pire que ça, il est dans le contexte menaçant. Il est dans le contexte islamisme, guerre, terrorisme. C'est-à-dire que très vite, on voit que du côté des médias, Tariq Ramadan a été identifié comme quelqu'un de menaçant. C'est-à-dire, même si vous ne le trouverez jamais dit tel quel par un journaliste, quand vous analysez les unités de segmentées, il n'apparaît pas dans une classe du débat sur les valeurs, par exemple. Il y a une classe spécifique du débat sur les valeurs. Et on aurait pu imaginer Tariq Ramadan cité à ce niveau-là. Non, quand il est cité, c'est toujours en référence à des événements menaçants, endo ou exo. Voilà. Donc effectivement, j'aime beaucoup votre question sur l'idée d'étranger suisse. Mon hypothèse, ce serait que c'est pas ça. Mais j'ai une hypothèse assez forte là-dessus, mais j'irai vérifier. J'irai vérifier, oui. Mais effectivement... L'islam musulman, ben, on est encore dessus, vous voyez, musulman, c'est souvent des personnes et c'est souvent un contexte menaçant. Alors que islam, pas forcément. Islam peut être évoqué dans le dialogue des religions, dans quand il n'est pas islamique, mais là bien sûr, oui, a fortiori islamiste. Mais là, on les distingue. Hein. C'est-à-dire que l'opération de lématisation dont j'ai parlé tout à l'heure se fait à l'intérieur de chaque catégorie syntaxique. C'est-à-dire qu'on ne lématise jamais sous la même forme un nom et un adjectif. Parce que justement, vous avez vu, religion-religieux, ça renvoie à des choses très très différentes. Alors il y a des logiciels qui le font, mais nous, on sait pourquoi on ne le fait pas. On a quand même quelques fonds linguistiques qui nous tiennent un petit peu de ce côté-là. Et donc, musulman, c'est toujours pour qualifier d'abord des personnes, et souvent en contexte menaçant. Alors que islam peut être tout à fait et la plupart du temps islam est catégorisé avec un contexte beaucoup plus en tout cas un contexte de valeur, j'allais dire positif, il faudrait que je le démontre et là j'en ai pas les moyens, mais on va voir, on change même de classe lexicale, je pense. Là on est musulman, on a un cas quand même où ils sont tous les deux, mais c'est la communauté. C'est la communauté. À mon avis, là, c'est l'islam de France. Et c'est, à mon avis, c'est les musulmans de France et c'est l'islam de France. D'ailleurs, je dis ça à cause de ça. Hein. Musulmans de France et islam de France. Donc je pense que c'est la question de l'intégration. De ce côté-là, c'est musulman et beaucoup plus... se réfère beaucoup plus à une institution ou à une organisation que tout à l'heure, où on avait musulman pour qualifier des personnes. Donc là, moi, je pense qu'on n'aurait pas le conseil ou quelque chose comme ça. Mais à mon avis, c'est dans cet ordre-là. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Mais religieux. Bon, mais, bien sûr, je retrouve pas, mais il faudra que. L'opposition religion-religieux, c'est islam-musulman. Alors, non, pas forcément. Musulman, c'est pas religieux, forcément. Voilà. Religieux, c'est beaucoup plus général que ça. Religion-religieux, c'est encore autre chose. Mais alors, à ce moment-là, j'y reviens tout à l'heure. Mais bon, je ne retrouve plus mon terme musulman. Mais voilà. Donc, en tout cas, au niveau islam et musulman, c'est clair que le terme islam, lorsque les journalistes emploient le terme islam, c'est beaucoup plus... c'est moins connoté. Et ça peut être en lien avec les religions, la place des religions. Et on va voir un énoncé des religions et de la place des religions dans un pays laïque. Alors que musulman, c'est beaucoup plus lié à des personnes, sauf dans ce cas particulier sur lequel on vient de tomber, qui est la situation. Dans leur rapport à la foi. Non, musulman, pas forcément. Non, non. Le rapport à la foi, d'ailleurs, on l'a dans les récits de vie, mais il est un peu noyé autour des quartiers, vous voyez, de ce lexique-là, des quartiers, des mosquées, de termes comme mosquée de garage, de choses comme ça, beaucoup plus ancrées dans des pratiques. Et puis l'incompréhension des générations. À Toulouse, on a ça très fort en ce moment. Alors, la question dans nos groupes, c'était... Quelle est la définition de la laïcité dans nos groupes, les termes... Alors, les termes, en gros, ce sont toutes les classes ici qui renvoient... Alors, à des récits de vie et à des actions soit officielle, soit officieuse, en faveur ou contre la laïcité dans notre pays. Donc soit qu'il y ait à un moment donné un problème de lycéennes qui sont exclues, de port du foulard, la question de la kippa, de la croix, du bandana, des choses comme ça. Donc ce sont des choses qui touchent mon pays, mon groupe, et qui font qu'à un moment donné, il y a des comportements sur lesquels il faut intervenir. Des comportements qui mobilisent les affects des gens et sur lesquels il faut légiférer. Donc ça, c'est ça que j'ai appelé la laïcité dans sa vision endogroupe. C'est comment je mobilise ce concept pour évaluer les comportements et les valeurs de mon groupe. C'est-à-dire que ça peut être effectivement une sorte de jugement. Hein. C'est un jugement qui se porte. La laïcité, ça peut mobiliser des jugements pour qualifier ou disqualifier certains comportements. Dans l'identité nationale, on en avait d'autres de cet ordre-là. Toute la partie des comportements, vous souvenez sans doute, être français, ce n'est pas parler verlan et porter sa casquette à l'envers. Voilà, il y avait des choses comme ça. Et on va retrouver... Alors, là c'était pas dit texto dans cette citation-là. Mais ça a été dit dans une banlieue, à l'occasion des débats organisés par les préfectures. Et ça n'a pas été dit n'importe où aussi. Mais ce n'était pas aussi explicite que ça. Là, voilà, on va retrouver cette chose-là, c'est-à-dire l'aspect le plus dynamique hein, de l'identité, c'est-à-dire la laïcité comme jugement de comportement et la nécessité de légiférer, hein, de faire une loi pour permettre certains comportements et en interdire d'autres. Contrairement à l'exogroupe, alors là, qui est vraiment l'ennemi de l'extérieur, là, la question, qu'est-ce que je risque identitairement à l'adhésion de la Turquie avec ce paradoxe complètement très très difficile à gérer sur la laïcité en Turquie. Voilà, en gros, si j'ai répondu. J'avais deux petites questions, éventuellement trois. La première, finalement, porte sur votre titre. Définir la laïcité par ses usages médiatiques. Je m'interroge sur l'idée de définition ici. Est-ce qu'on a affaire à une définition de la laïcité par ses usages médiatiques? Je ne suis pas du tout sûr. J'ai l'impression qu'on a affaire à une représentation, une analyse des usages de laïcité, pas de définition de ce qu'est de ce qu'est la laïcité. C'est le premier, premier point. La deuxième question, c'est est-ce que vous... est-ce que dans le... non pas dans le corpus, mais dans l'utilisation, dans le traitement du corpus, il y a un moyen de savoir quel est le thème principal de l'article ou de la dépêche, et si ce thème principal est oui ou non la question de la laïcité. Parce que le mot laïcité émerge dans un article qui concerne un festival de rue, ou qu'il apparaisse à plusieurs reprises dans un article qui est spécifiquement lié à cette question-là, à mon avis, ça produit des choses qui sont complètement différentes. Et j'y pensais notamment quand vous évoquiez les questions, par exemple, de l'Irak. Il est tout à fait possible que dans un article, on évoque le fait que dans un contexte où, en France, on s'interroge sur la question de la laïcité, et l'article concerne en fait l'Irak. Le lien entre les deux est quand même finalement assez ténu et assez fortuit. Donc est-ce que vous avez un moyen de, si ce n'est de neutraliser, mais en tout cas de spécifier ces questions-là. Et ma troisième question est toujours liée à cette question de l'inférence, d'une certaine façon, c'est, vous nous expliquiez tout à l'heure à propos de Tariq Ramadan que finalement il est toujours associé au côté menaçant. Et j'imagine que c'est lié à ce que vous appelez le contexte, c'est-à-dire ce qui intervient autour. Mais est-ce qu'il y a un moyen de savoir si dans ce contexte, la simple co-occurrence vaut de manière positive ou vaut de manière négative? Je vous donne un exemple. On peut présenter Tariq Ramadan comme étant le petit-fils du fondateur des Frères musulmans et ensuite dire que Du coup, il n'est pas très étonnant de trouver dans ce qu'il décrit ou dans ses analyses un certain nombre d'éléments qui sont relativement proches de l'islamisme, par exemple. Comme on peut aussi avoir une phrase qui serait bien qu'étant le petit-fils du fondateur des frères musulmans, Tariq Ramadan présente un islam plutôt modéré. Dans ce cas-là, on a, à mon sens, la même co-occurrence avec un sens radicalement différent. Alors, je vais peut-être commencer par celle-là. On n'a pas exactement le même contexte, puisque les co-occurrences, c'est vraiment l'environnement d'un mot. C'est-à-dire que, par exemple, il y a la notion de modéré arrive dans le deuxième segment, alors qu'elle n'était pas dans le premier. C'est-à-dire que ce sur quoi on travaille, c'est quand même des co-occurrences les plus fréquentes dans des unités. Et donc, bien sûr, j'aime et j'aime pas, il n'y a qu'un seul mot qui fait basculer de j'aime ou j'aime pas. Et on peut dire, ah ben oui, mais alors le logiciel, il mélange j'aime ou j'aime pas. Et en fait, non. Non, parce que les arguments derrière « j'aime ou j'aime pas » ne seront pas les mêmes. C'est-à-dire que lorsqu'on mobilise une attitude, elle ne joue pas uniquement sur le fait d'accepter ou de nier, sur l'affirmation ou la négation grammaticale, elle joue aussi sur la mobilisation de certains lexiques. Et donc, ce qu'on peut étudier là, et c'est pour ça que je dis toujours, je refuse de dire que je compte des mots, par exemple. Ces méthodes-là ne comptent pas des mots, elles classent des contextes. C'est-à-dire qu'il faut partir du principe que l'attitude se traduit lexicalement. Si on pense que l'attitude, ça n'est qu'un positionnement uniquement sur le fait de oui, non, et que les mots sont les mêmes, effectivement, ce genre de méthode passe totalement à côté de ça. En revanche, si on part du principe que l'attitude va m'amener à sélectionner certains mots plutôt que d'autres, à ce moment-là, ces méthodes deviennent pertinentes. Et donc, si je dis que c'est dans le contexte négatif, c'est-à-dire que le contexte qui est mobilisé lorsqu'on parle de Tariq Ramadan renvoie à d'autres termes qui sont aussi mobilisés sur des menaces, terroristes, guerres, etc. Mais on peut... Alors, la deuxième façon aussi, c'est qu'on peut toujours imaginer des phrases et on peut même extraire quelquefois des phrases qui vont à l'inverse de ça. Ça existe. Mais donc, on est aussi en statistique sur des grandes tendances. Donc là, on pourrait imaginer, alors j'ai même des exemples, j'ai des exemples à l'appel pour mes étudiants, qui montrent que de temps en temps, on peut avoir des aberrations totales dans ce genre de texte, et que aussi, c'est une assumption pour utiliser ce genre de méthode, c'est d'être sûr qu'il y ait une certaine homogénéité du corpus. Sinon, on se met à classer des choses qui sont inclassables. Mais donc, on peut imaginer des exemples comme cela qui montreraient que ça serait ambigu, mais sur une telle masse de mots, on est à 2 500 000 mots, sur une telle masse de mots, si on a quelque chose qui ressort de l'analyse, c'est quand même que les contextes sont assez solides et que ces exceptions-là, elles seront négligées. Et c'est presque le problème de ces méthodes-là, c'est que les petites choses finesses, les petites finesses vont nous échapper. Mais que par contre, les tendances qui sont mises en évidence, elles, généralement, elles sont fiables. Donc ça, c'était pour cette question de contexte. Je vais remonter les thèmes. Là, c'est pareil. Il peut y avoir des articles dans lesquels certains thèmes peuvent apparaître comme vraiment définitoires, pour le coup, de la laïcité, et d'autres où c'est beaucoup plus anecdotique. Nous, ce qu'on voulait, c'est justement pouvoir attraper ça, c'est-à-dire voir tous les domaines dans lesquels la laïcité était mobilisée pour faire valoir à un moment donné un positionnement. Après, nous, on va regarder là-dedans et ça commencera à empiéter sur votre première question. L'autre partie du travail, c'est dire bon, ben, maintenant, j'ai bien vu qu'il y avait cet aspect des valeurs, il y avait cet aspect très politicien, et là-dedans, je veux faire une analyse en finesse de ce qui va être vraiment une définition de la laïcité. Mais, et le reste n'en faisant pas partie, étant un usage de la laïcité pour inscrire certaines thématiques dans l'agenda médiatique. Donc c'est ça qui peut nous intéresser. Par rapport à l'Irak, l'ambiguïté est énorme, parce que l'Irak était aussi traité comme étant un pays laïque. Saddam Hussein était... Et donc, ça n'est pas uniquement le terrorisme, les prises d'otages et la guerre. C'était aussi le fait qu'on avait là affaire à un pays laïque. Et donc ça pouvait être aussi utilisé par des gens pour jouer d'autres rapports d'alliance et d'opposition sur la question même de qu'est-ce que c'est qu'un pays laïque Est-ce que c'est une condition nécessaire, suffisante pour avoir des relations diplomatiques et commerciales avec lui, voire même à favoriser ou à ne pas favoriser une guerre, etc. Donc voilà. Et là, sur la partie définitionnelle, ce travail est un premier travail. La question aussi, effectivement, le terme est sans doute pas le bon. Mais nous, ce qu'on voulait dire, c'était plutôt définir les usages que définir la laïcité. C'était plutôt ça, d'ailleurs, dans le fond de l'affaire. On voudrait plutôt cerner, circonscrire des usages possibles d'un terme plutôt que d'essayer de définir ce terme. En même temps, je me dis, si tant est que les médias puissent nous fournir des notions, des éléments de définition, ce qui resterait à asseoir. À ce moment-là, on peut dire qu'il y a quand même, dans certaines contextualisations, la possibilité de définir le terme quand on voit le définir par des tensions. Hein, c'est-à-dire dire, de toute façon, la laïcité, c'est un ovni politique international, et donc l'une des façons, on peut se questionner sur le concept, mais l'une des façons de regarder, de le définir, c'est comment il est utilisé par les gens dans une situation de débat. Et là, on a des situations de débat. Donc on peut voir ce qui émerge du débat comme élément définitionnel. Mais ça demandera effectivement de retravailler le corpus et d'éliminer tout l'aspect politicien, tout l'aspect manifestation culturelle, tout l'aspect récit de vie peut-être, dont on voit que là, c'est utilisé à des fins de politique éditoriale et moins à des fins de définition. Donc il y a les deux. Et à condition de ne pas tomber sur l'idée, la meilleure façon de le définir, c'est de se poser la question, ce qui est toute une classe aussi. Donc voilà, ça serait une façon de répondre à votre question, c'est de dire, on a tous les éléments qui s'organisent dans une façon de traiter la laïcité, dedans il y a sûrement des éléments de définition, mais ça demanderait un retravail en profondeur. Séparation de la religion et de l'État, ce sont des principes communs à la Belgique, la France, à beaucoup de pays européens ont ce principe de séparation, avec des modalités. Par exemple, en Belgique, c'est un système qui ressemble au système concordataire, les cultes reconnus, avant la loi de 1905. Mais l'idée qu'il faut séparer l'État de la religion, personne ne discute ça. Il y a un consensus sur la séparation, je pense, dans la plupart des pays européens. Même dans les pays où il y a une religion de l'État, c'est purement symbolique. Il n'y a pas d'imposition par l'Église de ses enseignements sur un État particulier. Mais la différence, c'est pour ça que votre travail m'intéresse, c'est que dans les usages que je vois, mais je fais ça de manière spontanée et sans avoir fait votre travail systématique, ça l'intérêt de votre démarche, c'est de vous systématiser. C'est qu'il y a un écart entre la laïcité juridique, celle qui est définie par le Conseil d'État de France, dans ses avis très motivés, etc., et la laïcité telle que les politiques en France en parlent, telle que la société ou les journaux en parlent. On a l'impression que dans l'usage qui est fait du mot laïcité en France, on est bien au-delà de la laïcité juridique. On est dans une laïcité de type idéologique, c'est-à-dire faire reculer la religion et l'évacuer de l'espace public au sens géographique du terme. Alors, est-ce que vous avez constaté un écart entre cette laïcité juridique définie par le Conseil d'État et la laïcité, disons, dans son usage? Alors, je n'ai pas constaté d'écart parce que je n'ai pas fait de rapprochement. Et même le rapport Stasi lui-même, qui était intégralement retranscrit par Le Monde, on l'a enlevé de là parce qu'il créait une classe à lui tout seul. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait et ça me donnait l'idée qu'effectivement, maintenant, il faudrait peut-être y revenir. Peut-être revenir à cette idée, finalement, dans cet espace-là, où se situe le rapport Stasi? Est-ce qu'il prend sa place quelque part? Est-ce qu'il se situe, par exemple, au milieu de tout ça? Est-ce que le lexique mobilisé par la commission Stasi est un intermédiaire? Est-ce qu'il se situe d'un côté ou de l'autre? J'irai bien voir de près maintenant. C'est pas encore fait. Donc je ne peux pas répondre à cette question-là au niveau juridique et politique. Ce qui est évident, et là je suis complètement d'accord avec vous, c'est que le mot laïcité a un statut particulier. C'est un argument d'éthos. Hein, c'est typiquement un argument d'éthos, c'est-à-dire c'est un argument d'autorité. On utilise la laïcité. Ce que je disais un petit peu au départ avec l'idée de représentation sociale normative et de disqualification d'un comportement, on utilise la laïcité pour qualifier ou disqualifier, surtout pour disqualifier un comportement qui est contraire à mes attentes. Hein, c'est-à-dire lorsqu'il y a un comportement que j'ai envie de condamner, de la même façon qu'on va mobiliser la démocratie, la liberté, la responsabilité, etc., on peut mobiliser la laïcité comme argument d'éthos parce que c'est disqualifiant. D'emblée, ça n'est pas conforme à la laïcité, ça ferme la discussion, c'est bon, c'est terminé. Donc c'est un argument idéologique. Alors, deux petites choses, parce que l'éthos n'a de sens que parce qu'il s'inscrit dans une idéologie qui l'englobe, hein, qui relie cet argument de laïcité à d'autres arguments, notamment république, égalité, liberté, égalité, fraternité, république, solidarité, etc. Alors, par rapport à l'idée de principe commun à d'autres pays d'Europe, on a quand même quelque chose d'un peu spécifique par rapport aux autres pays d'Europe. C'est justement son inscription dans la loi et dans l'éthos. Mais dans la loi même, à l'exception de l'Alsace, on a quand même une séparation en termes de salaire des cultes, d'intervention de l'État dans le financement et la gestion même des cultes. On a quand même quelque chose d'assez spécifique en France, encore une fois à l'exception du concordat alsacien. Ce qui rend les choses assez compliquées d'ailleurs dans discussion avec d'autres pays qui ont gardé l'idée d'un financement des cultes. Et ce qui nous pose des problèmes des problèmes très très pratiques. Enfin, je pense que ça se pose à peu près partout, mais ça s'est posé aussi à Toulouse, dans la construction de lieux de culte. Hein, c'est-à-dire qu'on a des lieux de culte construits, voire même pour certains laissés à l'abandon quand on est dans le domaine catholique, et on a un déficit de lieux de culte pour d'autres religions. Et donc créer une mosquée pose un énorme problème de financement, parce que l'État dit « je n'ai pas à financer un lieu de culte ». Donc on a ce genre de questions aussi, qui ne se pose pas, à mon avis, de la même façon dans d'autres pays, voire même européens. Et même chose au niveau des enseignements, avec cette spécificité bien française qui est quand même qu'on a un enseignement confessionnel possible sous contrat, mais sur lequel on ne peut pas toucher non plus, auquel on ne peut pas toucher non plus. Donc, avec ces paradoxes-là, qui ne sont pas faciles à gérer. Du coup, c'est vrai que, et on revient sur la définition, hein, on est sur des utilisations qui sont vraiment des utilisations idéologiques du terme laïcité, et sur lesquelles même les gens qui peuvent se prévaloir de défendre la laïcité peuvent avoir des discours qui représentent certains paradoxes là-dessus. Après, pour finir, je reviendrai sur votre introduction. Je suis très sensible à l'idée qu'effectivement, on a une façon d'objectiver les discours. Après, moi, je trouve extrêmement riche ce travail qu'on a à faire, qu'on finit avec une dizaine de collègues, pilotés par Patrick Charaudeau, de se pencher à partir de là, avec d'autres méthodes, sur des extraits, hein, et donc voir comment les conclusions qu'on peut tirer d'une analyse comme ça peuvent se retrouver ou pas dans une analyse beaucoup plus qualitative, et qu'il faut intervenir aussi d'autres choses, de discours de la télévision, par exemple. Lorsqu'on regarde à 20 ans d'écart deux émissions de talk show sur la laïcité, on est frappé par tout un tas d'images qui sont tout à fait inaccessibles à ce genre de méthode et qui en même temps nous renvoient aussi à des évolutions. Il y a 20 ans, une émission sur la laïcité, vous coupez le son dans l'émission, vous repérez rien qu'à l'image qui est le chrétien, qui est le musulman, qui est le juif, ça se voit tout de suite. 20 ans après, si vous ne les connaissez pas, vous coupez le son, vous ne repérez pas. Ils sont habillés de la même façon. Il y a 20 ans, ils appellent au respect de leur religion. Maintenant, il y a un consensus dans tous les invités pour appeler au respect de la laïcité. Et donc, il y a une évolution très très claire en ce moment. Ce que je disais au début, hein, maintenant, trouver quelqu'un qui est contre la laïcité, c'est extrêmement difficile. Alors, il y a ce néologisme de laïcisme, qui commence à arriver, qui est présent déjà dans le débat sur l'identité nationale. Une autre façon, et ça on l'a traité aussi au travers du discours du Latran, puisque ça il y aura un chapitre là-dessus, c'est cette fameuse laïcité positive. Donc là, la nécessité de coller un adjectif à la laïcité vient en affaiblir la portée en disant il y a la laïcité qui rejette, c'est la laïcité négative, il y a la laïcité qui accepte, c'est la laïcité positive, et dans le contexte immédiat, il y a la laïcité positive et le rôle de l'instituteur du curé. L'instituteur n'aura jamais le rôle que pouvait avoir le curé, etc. Donc, c'est là qu'on doit aussi être dans du diachronique, hein, dans de l'évolution. Donc voilà, c'est vrai que moi je suis attaché, puis c'est ma culture, à l'objectivation à un moment donné, mais je suis sensible aussi aux remarques en disant est-ce que l'écotexte sont infaillibles ? Non, ils ne le sont pas. Alors ma réponse est une réponse de statisticien en disant au moins ce que je montre est solide, parce que sinon ça ne sortirait pas. Mais en même temps, si on va regarder dans la finesse, il y a sûrement aussi des façons de manier de l'implicite. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les médias, c'est pour ça que je travaille sur du texte écrit, mais si on travaille sur du discours oral, il y a des implicites qui sont quelquefois très lourds, qui passent par d'autres voies que le lexique, et qui vont positionner le locuteur vis-à-vis de son objet de façon totalement paradoxale. Donc ça nous est totalement impossible à mettre en évidence. Voilà, donc moi je sais pourquoi je fais ça et on le développe. J'aimerais bien aussi quelquefois, et on le fait de plus en plus, soit à Toulouse, soit plus généralement en collaboration avec d'autres, que des gens disent ça s'exprime aussi autrement que par le lexique. Et il y a des mots qui n'apparaissent jamais et qui sont tout le temps implicites et qu'il faut arriver à décrypter. Cela étant, je vous remercie de votre intérêt pour cette méthode. Mais c'est très nouveau, en fait. Oui, il y a des choses très nouvelles. Et puis après, il y a des choses qui datent. Là, on a à faire face aussi à une utilisation. Pendant des années, on avait une utilisation magique de cette chose-là, alors qui nous embêtait beaucoup parce que les gens avaient vraiment une vision très très très magique. On met des textes et tout à coup, les choses. Bon, derrière, il y a des opérations qu'on connaît bien, il y a des choix, il y a des hypothèses. C'est pas de la magie. Hein. Maintenant, on a tendance à voir aussi une certaine banalisation et des gens qui se posent un peu moins la question, notamment de l'homogénéité du corpus, de la pertinence des hypothèses, etc. Enfin, voilà, ce sont des démarches. Les démarches sont technologiques et elles doivent être intégrées dans une véritable démarche scientifique. La technologie ne crée pas la science. Par contre, la science a besoin de technologie. Enfin, en tout cas, c'est notre positionnement à nous. Mais la technologie est au service d'hypothèses et d'une vraie construction de connaissances communicables et acceptables. C'est pas la technologie en tant que telle qui garantit la scientificité. Mais voilà, le discours médiatique, en tout cas, se porte bien à ce type d'analyse, contrairement à d'autres discours qui sont plus difficiles à analyser, notamment dès qu'il y a un recours à l'image. Dès qu'il y a un recours à l'image, les gens jouent au moins autant sur l'image que sur le texte pour produire un effet de sens. Oui, je vous en prie. Quand vous parlez d'usage idéologique, certainement, mais est-ce que vous n'avez pas aussi un usage de gens de bonne foi qui, sans être idéologiquement motivés, confondent tout simplement ce qu'est la laïcité ? C'est l'impression que j'ai, hein, sans avoir fait un travail, c'est des gens qui, de bonne foi, ne savent pas très bien ce que ça veut dire. Et confondre laïcité juridique, séparation de l'État, avec la société laïque qui veut dire sécularisation de la société. Mais quand on met la loi sur la burqa, c'est surtout qu'il n'y a pas une définition qui est donnée. Alors d'une part, c'est pas la première. C'est ça le problème, c'est qu'avant tout, c'est une notion historique, la laïcité, c'est pas une notion juridique. On ne peut pas dire la notion juridique, c'est la laïcité. La laïcité, c'est avant tout une notion historique qui, du coup, fait une différence complète avec la sécularisation dont vous parlez. La distinction entre le domaine temporel et le domaine spirituel, c'est effectivement une distinction qu'on retrouve dans un très très grand nombre de pays. C'est ce qui fait que, par exemple, les États-Unis ont l'impression d'être laïcs parfois. Bon. Or, ils ne le sont pas. C'est une des raisons pour lesquelles, comme vous le disiez, on ne peut pas traduire laïcité par sécularisation. Voilà, par exemple. C'est absolument impossible. Mais les étudiants américains sont dans une quasi-incapacité à comprendre ça. Ils ont l'impression qu'ils sont laïcs. Oui, mais ils ne le sont pas. Non pas parce que c'est une question juridique, mais c'est parce que c'est une notion historique. D'accord. Très particulière, qui naît à un moment spécifique et qui, du coup, à ce moment-là, impose une vision particulière du rapport entre le politique et le religieux. La question juridique n'intervient que par la suite et de manière très très particulière d'ailleurs. C'est quoi pour vous la laïcité pour... La laïcité, c'est... Alors là, on peut rentrer dans des débats extraordinairement. Là, il faut revenir à la, il faut revenir à la Troisième République. Vu de l'extérieur, je parle sous votre contrôle, c'est la laïcité, c'est ce qui est inscrit dans la Constitution, enfin, plutôt la loi de 1905, qui a été... Oui, c'est ce qui est... C'est la laïcité officielle, qui est obligatoire pour tout le monde, qui s'impose à... Oui, mais qui n'est même pas définie tellement dans... La France est un pays laïque. La laïcité, non, pas. Non. C'est pas. Pas. Absolument. Mais dans la Constitution, il doit y avoir l'idée que la France est un pays laïque. Si, si. Dans la Constitution. Même avant démocratique. République laïque. République. Voilà. Avant démocratique. Hein. Oui, oui. Mais ça, c'est dans. Ça, c'est dans la Constitution de 58. Par contre, dans la loi de 1905, on a vraiment une loi de séparation. Hein, de la séparation de l'église, des églises et de l'État. Ce qui est encore un autre positionnement. Alors après, ça c'est un grand débat, et puis alors après il faudrait revenir à la laïque. Donc, il faut au moins, si on veut faire un travail, il faut une division minimale du terme. Eh bien, justement, ce qui nous intéresse, nous, c'est de nous intéresser justement à ces termes qui ne sont pas possibles à définir. On ne peut pas renvoyer à une définition unique de la laïcité. Mais j'allais dire, c'est pour ça que j'ai commencé par les droits de l'homme, parce que c'est la même chose avec les droits de l'homme. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, il y a eu des déclarations concurrentes de celles qu'on appelle universelles, bon, qui a une dimension universelle aussi, et qui elle-même a un processus historique. Mais ce sont des notions qui sont extrêmement consensuelles, c'est-à-dire que personne ne peut, sous peine d'être disqualifié et marginalisé, se dire contre. Et en même temps, personne n'en a de définition qui puisse renvoyer le débat à une véritable... Il y a un consensus. Alors, c'est aussi pour ça qu'il y a un consensus. Après, moi, dans votre question, il y a une chose que je n'oppose jamais, c'est l'idéologie de la bonne foi, par exemple. Puisque votre question, c'était ça. Est-ce qu'on a un discours idéologique, un discours de bonne foi? Moi, je ne sais pas. Pour moi, l'idéologie n'est pas de la mauvaise foi. L'idéologie, c'est simplement une façon de donner du sens à un ensemble de concepts justement difficiles, voire impossibles à définir, mais qui, à un moment donné, me permettent, d'une part, de m'approprier ces concepts, et d'autre part, de me sentir membre de certaines personnes, et proche de certaines personnes et éloigné d'autres. Et ça, c'est de l'idéologie, en ce sens que je vais travailler mon discours pour que ces concepts-là et non pas une signification, mais est un sens, c'est-à-dire puisse me permettre de me positionner socialement. Et de ce côté-là, il y a là sans doute des propos qu'on pourrait estimer être de bonne foi ou de mauvaise foi, mais il y a surtout des programmes idéologiques, c'est-à-dire des gens qui utilisent la laïcité pour marquer leur proximité, leur distance vis-à-vis d'espaces sociaux, et vis-à-vis aussi alors de trajectoires historiques, de positionnements très clairs. Ce qui est intéressant avec la laïcité, c'est qu'à une époque, il y avait... les laïcs et la calotte, et qu'il y avait les calotins et les anti-calotins, et on y voyait assez clair. Et maintenant, c'est beaucoup plus difficile que ça, parce que même les plus radicaux des religieux vont défendre la laïcité. Et alors la question, si on veut se projeter un peu de prospective, la question c'est, qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux que le débat soit clair, entre des groupes clairement identifiés et qui s'approprient des concepts différents, ou est-ce qu'il vaut mieux que le débat commence à s'instaurer sur des concepts pseudo-consensuel, mais qui pourtant recouvre des réalités très différentes. Et c'est pour ça que ces concepts-là, impossibles à définir, sont ceux qui nous intéressent le plus. Le problème, c'est justement quand on commence à vouloir faire une étude comme celle-ci, en ayant une définition préalable, même en l'ayant construite scientifiquement, etc., le problème, c'est qu'ensuite, on risque de tout analyser en termes de déviation, d'aberration ou de... d'intégration à l'intérieur de cette définition. C'est-à-dire, immédiatement, on passe dans une vision normative de ce que ça doit être, alors que toute définition, même quand elle est parfaitement intégrée, c'est-à-dire une définition juridique, par exemple, n'est qu'une des définitions possibles. On voit très bien avec les usages de la majeure partie de nos concitoyens du terme laïque, il est utilisé dans des termes qui, de manière générale, sont totalement... contraire, voire l'opposé de ce qui est officiellement considéré comme étant la laïcité. Malgré tout, le fait qu'il soit utilisé comme ça, non seulement c'est intéressant, mais c'est surtout la majeure partie des gens qui vont l'utiliser. laïcité, y compris d'une manière complètement fausse. Il y a la plupart des gens confondent séculier et laïque, de toute façon. Mais je pense que s'il y avait un projet de loi mettant fin à l'école privée en France, on se rejoue 83. Et je pense qu'il y aurait autant de manifestations, mais la grande différence, c'est que si on allait interviewer les manifestants, ils se réclameraient tous laïcs et ils diraient « Je suis là au nom de la laïcité ». J'en suis absolument persuadé. Déjà, les discussions sur la loi Fallot, qui était ultérieure au débat sur l'école libre de 84, montraient déjà cette évolution. Absolument. Et ça, c'est revenu après dans les années... Et de surcroît, le terme de laïc, de laïcité, quand il est utilisé au début du XXe siècle, quand il est utilisé au début des années 1980, il n'a pas du tout le même sens. Il a énormément évolué entre les deux, parce que pendant tout le XXe siècle, on utilise assez peu laïcité. C'est un terme qui, finalement, est assez peu présent. Il acquiert une prégnance, une saillance, comme vous dites, qui est beaucoup plus importante à partir des années 80, surtout à partir de la fin des années 80, mais déjà le début des années 80 est très riche à ce niveau. C'est vrai que c'est préoccupant par rapport aux partisans de la laïcité, parce que tout le monde utilise le terme, même les courants politiques les plus historiquement hostiles, comme l'extrême droite à la laïcité, l'utilisent. C'est une victoire, mais une fausse victoire, en quelque sorte. Alors après, il y a quelque chose, alors là, il faut qu'on revienne là-dessus, mais une chose qui n'existe pas en 2003-2004, c'est l'utilisation spécifique par l'extrême droite de la laïcité pour stigmatiser les musulmans. Ça, à cette époque-là, ça n'existe pas, mais c'est ce qu'on a vu aux dernières élections, un petit peu ce que je disais au début, nous les croyants et eux qui font les prières dans la rue, nous les croyants, nous sommes laïcs, eux non. Et ça, c'est une reprise assez nouvelle, parce que ça fait partie de l'évolution du discours, notamment du Front National. On est en train de commencer à s'y intéresser, mais jusqu'ici, je ne m'étais jamais intéressé au discours du Front National. Et là, on est amené à s'intéresser à ça, justement, par cette stratégie qu'il y a de réinvestir les fondements de la République pour stigmatiser ce qui représenterait un danger pour la République. Mais ça, on ne peut pas le mettre en évidence dans ce corpus-là. Il faut réactualiser un peu notre corpus et peut-être passer par un autre corpus même qui serait les discours officiels. Et là, alors vraiment dans une perspective diachronique, sur 20 ans de discours de l'extrême droite, mais on est en train d'essayer d'y travailler, pour voir comment cet aspect-là, je pense effectivement, Le Pen père ne parlait jamais de laïcité. Enfin, c'était pas une de ses thématiques favorites. C'est historiquement hostile. En tout cas, son électorat était un électorat plutôt conservateur, plutôt vieille France. Et ce côté-là, il n'avait rien à gagner de se faire un chantre de la laïcité. Les choses ont beaucoup changé. Ce que vous disiez, toute dernière intervention, effectivement, aux États-Unis, et si on fait une comparaison entre la France et les États-Unis, on est bien obligé de partir d'une définition entre guillemets officielle, c'est-à-dire ce que la Constitution, le système juridique français prévoit comme laïcité, et cette fameuse métaphore que la Cour suprême américaine utilise de mur de séparation. Donc on est obligé de partir de quelque part. Ça va être du point de vue américain, parce que je travaille un peu sur la comparaison franco-américaine au niveau de la laïcité notamment. D'accord. Ils considèrent que c'est pas normal que l'État français finance l'école privée. Pour eux, aux États-Unis, c'est inconcevable. Et sur d'autres domaines, ils sont bien plus religieux, ils prêtent serment sur la Bible. C'est juste complètement invraisemblable d'un point de vue français. Prestation du serment d'allégeance par les élèves, même si ça date des années 1950, et si c'était fait pour éradiquer le communisme, c'est malgré tout. Depuis le président jusqu'au cours de justice. Absolument. Le billet, oui. Le billet de 1 dollar. Donc c'est pas laïque au sens longtemps, mais eux, ils considèrent que la France n'est pas laïque en subventionnant les écoles privées. Ou en ayant des jours fériés, basés sur des fêtes chrétiennes. Absolument. Et j'irai plus loin. Et pas totalement. Et j'irai plus loin en retransmettant sur les chaînes audiovisuelles publiques, radio et télé, la messe du dimanche. Parce que c'est l'audiovisuel public qui retransmet la messe du dimanche. Mais en y ajoutant présence musulmane, à la télé, pas à la radio, pas sur France Culture. France Culture, Alors, sur France Culture, il y a la tribune des libres penseurs. Mais sinon... Oui, voilà, bah, ça, c'est toute la question, alors qui n'est pas dans ce corpus-là, mais la question de la laïcité à la française, et effectivement, bon, là, c'est les positionnements des uns et des autres qui peuvent l'infléchir d'un côté ou de l'autre. Par exemple, je reviens aux États-Unis, j'ai rencontré des juges, là, sur place, qui m'a expliqué un juge fédéral, qui n'est pas concevable aux États-Unis qu'un athée soit nommé juge. Constitutionnellement, oui. Ouais. Mais comme un juge est nommé par le Congrès, aucune des deux grandes forces politiques ne prendrait ce risque. Et un athée est considéré comme un groupe aussi, alors qu'en France, l'athée, c'est l'absence de groupe religieux, alors qu'aux États-Unis, il y a quand même la notion d'un groupe d'athées. Hein, c'est un peu comme si on ne pouvait pas ne pas appartenir à un groupe sur cette question-là. Nous, l'athée, c'est plutôt quelqu'un par défaut, puis alors, après, ça peut être l'anticlérical, ça peut être... C'est plus que ça, parce que l'athéisme rentre dans ce qui n'est pas permis par la laïcité, puisque l'athéisme est considéré comme une position religieuse. Pas définition. Donc athée et laïque sont des choses radicalement différentes, sauf dans la public athée. Ah oui. Et d'ailleurs, l'athéisme n'est pas un terme tellement utilisé en France. Paradoxalement, on n'a pas de... Moi, il faudrait que je cherche. Ça, je ne sais pas. Conceptuellement, c'est différent. Mais, oui. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop de... Je ne me souviens pas de... Le mot athéisme n'est pas ressorti des analyses. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y est absent, mais ça vaudrait le coup que j'aille voir un petit peu s'il est mobilisé ou pas. En tout cas, il n'est pas ressorti... Comme d'autres, hein, comme d'autres termes. Et le terme liberté de religion ressort dans... Le terme ? Liberté de religion. Les Américains utilisent beaucoup freedom of religion. Ah, ok. Un de leurs thèmes, des occurrences, si on fait une étude américaine, une occurrence qui apparaît très fort. Si, liberté de religion, il faudrait regarder. Je pense qu'on doit avoir quelque chose comme ça lorsqu'on est dans... par là. Quel contexte le terme liberté de religion est... Liberté, laïcité, c'est sûr. Oui, liberté de religion, il y est. Il y est. Alors on a liberté laïcité, on a liberté religion. Donc on a une connexion entre les deux. Alors après, il faudrait avoir une analyse fine, si on part de cette hypothèse-là, une analyse fine de cette co-occurrence, voir comment elle s'exprime. Mais apparemment, elle existe. La liaison existe. Alors est-ce que c'est sous la forme... Je m'explique quand même. Est-ce que c'est sous la forme de locution liberté de religion? Ou est-ce que c'est simplement que, dans les mêmes contextes, les deux peuvent apparaître, la liberté d'exercer sa religion, par exemple. Donc je sais qu'il y a une connexion entre les deux, je ne sais pas de quelle nature elle est. Est-ce qu'elle est de nature locutoire, liberté de religion, ou est-ce que c'est simplement la mise en correspondance de ces deux termes dans des contextes plus larges? Une hypothèse intéressante serait de voir, est-ce qu'on n'interprète pas comme une liberté de ne pas être sous l'influence d'une religion? Alors, de religion dans ce sens-là. Là, typiquement, ça fait partie des questions sur lesquelles je renverrai à des collègues qui auraient une analyse plus qualitative. Moi, ce que je peux faire, avec certains collègues, c'est leur sortir tous les extraits, tous les segments qui prennent les deux termes, et après qu'il y ait une analyse qualitative de fait là-dessus. C'est faisable. Après, donc, soit pour dire que je ne vais pas vous répondre. Mais dans la connaissance que je peux avoir du corpus, ça ne me paraît pas quand même être dans ce sens-là. C'est-à-dire quand liberté de religion... Parce que liberté est un terme d'éthos positif. Donc c'est liberté d'exercer sa religion, ce n'est pas la liberté d'être soumis à une religion ou d'être... De ne pas être sous l'emprise. Dans ma connaissance du corpus, je ne le vois pas sortir. Mais en même temps, je ne connais pas tous les articles. Mais ça serait intéressant d'aller le vérifier. En tout cas, c'est techniquement très très facile. Et effectivement, on pourrait regarder un petit peu comment les deux... Même liberté, laïcité, on pourrait du coup regarder, avoir une analyse très fine sur ce terme de liberté qui apparemment se retrouve entre les deux. Comment il fait la jonction? Est-ce que lorsque liberté est avec religion, il mobilise les mêmes styles, hein, les mêmes marques stylistiques que lorsque liberté est connectée à religion? Là, il y aurait une analyse fine, ce serait intéressant à faire. Mais on est plus dans de l'approche qualitative, mais encore une fois, c'est comme ça aussi qu'on commence à comprendre comment le débat s'organise, c'est quand on arrive à croiser les deux, hein, la statistique et puis une approche plus stylistique ou plus, bon, une analyse de discours à la française, quoi. Bien, merci beaucoup. 30 secondes. Laïcité, neutralité, c'est pour vous l'équivalent ou pas? Pour moi non, mais est-ce que voilà, est-ce que neutralité, on le trouve, mais là toujours pareil, là il faudrait que je pianote et que je fasse ressortir la... On trouve neutralité en lien avec la laïcité. Cela étant, neutralité a une force illocutoire plus moindre, hein. Laïcité est vraiment un argument très fort. Et c'est l'équivalent en France, laïcité, neutralité? Non, parce que je ne pense pas, parce que la laïcité positionne directement vis-à-vis des religions, alors que la neutralité peut positionner vis-à-vis de beaucoup d'autres choses. Ou alors, et ça ne pourrait pas. La laïcité se suffit à elle-même. Alors que neutralité doit être spécifiée pour voir de quelle neutralité on parle. C'est la force de la laïcité, c'est qu'elle regroupe un ensemble d'implicites qui sont immédiatement mobilisés. Si je dis laïcité, on peut débattre, mais au moins les gens savent comment je positionne le débat. Neutralité, ça dépend comment on l'utilise et ça dépend avec quoi on l'utilise. Donc il y a sûrement quelque chose de l'ordre de la neutralité en tant que posture, mais le concept est beaucoup moins fort. Peut-être parce que, contrairement aux États-Unis, la neutralité n'est pas forcément valorisée. Hein, c'est pas. Je pense qu'il y a aussi une forme de dévalorisation de la neutralité. On ne peut pas être toujours neutre. On parle de neutralité maintenant. Au lieu de laïcité, on parle d'État et neutre. Ouais. C'est l'équivalent fonctionnel de la laïcité. Ouais. Neutralité et impartialité de l'État. Alors l'impartialité, c'est autre chose. Mais la neutralité, je ne suis pas sûr que ça soit toujours quelque chose de positif de parler de neutralité de l'État. Mais l'impartialité, c'est clair. Et ça, je n'ai pas de données pour asseoir ça. Bien, merci beaucoup. Mais merci à vous, encore une fois. Et ceux qui ont participé, on a une autre séance le 24 avril 2013. Marc de Jolie viendra et nous présenter une conférence qui s'appelle « Individus et société, histoire croisée du régime conceptuel des sciences humaines et sociales ». Et cette séance-là sera ça... Voilà, c'est ça. Sinon, il faut le faire sauter vous-même. Il faudra pas me prendre en photo. Très, très vite. Vous voulez un thé ou un café? C'est allez, un petit café. Allez. Thank you. du système. La définit pas en tant que telle, puisqu'elle.